Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. François avec vous pour 2 heures d'émission environ, un peu plus. Il sera pour le calendrier des esclavages et des libérations, d'abord, hein, c'est le titre de l'émission. Alors, que s'est-il passé le 15 juillet? C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Ensuite, il sera question de notamment la Deuxième Guerre mondiale, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les jours qui ont précédé, les jours qui ont suivi le débarquement en Normandie, il y a eu beaucoup de bombardements sur le territoire français. Un certain nombre de villes ont été détruites par ces bombardements. La population française a beaucoup souffert à ce moment-là. Et elle a souffert de quoi ? Elle a souffert des bombes des Alliés qui venaient libérer notre territoire, qui venaient chasser les nazis de chez nous. Et n'oublions pas une chose, c'est que ces envahisseurs, les Allemands, la Wehrmacht, la Luftwaffe, etc., Unzerweiter, diraient les anglicistes qui aiment bien les radios libres, eh bien, tous ces gens-là, ils avaient suivi, plus ou moins, en tout cas certains, les nazis, avaient suivi le parti nazi. Le parti nazi qui est arrivé au pouvoir, grâce à un certain, grâce et à cause d'un certain Adolf Hitler, qui avait fait croire aux Allemands qu'il allait améliorer leur sort. Eh oui, parce que les Allemands avaient été particulièrement maltraités pendant la guerre de 14, comme les Français, et ils ont été très maltraités après la guerre de 14. Ben oui, notamment par les Alliés, et puis par leurs industriels, leurs banquiers, etc., et qui ont fait monter une certaine précarité, et du mécontentement de plus en plus, et Hitler a profité de ce mécontentement pour arriver au pouvoir. Hein. Alors je disais, le chômage, eh bien il y a 6 millions de chômeurs en France en 2019, eh bien 6 millions de chômeurs, on a déjà connu ça, c'était en Allemagne en 1932. Alors rappelons qu'en 1932, Adolf Hitler a fait, et son parti nazi, ont fait 24% de voix, et en 33, l'année suivante, ils ont fait 42 et quelques pourcents. Vous direz, c'est pas la majorité, oui, mais la loi électorale allemande n'était pas la même que la loi électorale française, il ne fallait pas avoir 50% ou 51% des voix pour être élu, il suffisait d'être le parti en tête, ce qui s'est produit. Alors, les Allemands avaient à peine voté, certains commençaient déjà à regretter, mais c'était trop tard. Le bulletin était tombé au fond de l'urne, et Hitler est arrivé au pouvoir. Alors, ça leur a valu 12 ans de fascisme, 12 ans de nazisme, et bien de la misère. Une guerre mondiale, qui a coûté entre 60 et 70 millions de morts au monde entier, surtout aux Européens, surtout aux Russes, 17 millions de morts, aux Allemands, 10 millions de morts, c'est-à-dire qu'un Allemand sur 6 est mort pendant cette guerre qu'ils ont déclenchée, sans l'avoir voulu, simplement en ayant voté. Vous voyez, un bulletin de vote, ça paraît comme ça inoffensif, mais ça peut être très très dangereux. Ça dépend comment on l'utilise. Ah oui, il faudrait presque un examen pour obtenir une carte d'électeur, mais ça n'existe pas. Tout le monde a le droit de vote. Bon, c'est bien, c'est l'égalité, mais bon, enfin, bon, passons. Alors voilà, le nazisme. Hein. Et puis alors, Brest sous les bombes. Si vous avez déjà visité la ville de Brest, vous avez remarqué que tous les bâtiments datent de la même époque, c'est-à-dire qu'ils ont été construits vers 1950-1960. Hein. Voilà, pas terriblement beau, mais bon, je ne sais pas comment, si la ville de Brest était très belle avant, mais certainement un peu plus belle quand même. Hein. Et puis surtout, il y a eu beaucoup de victimes. Voilà. Des victimes, des bombardements et des victimes du nazisme, des victimes du fascisme. Quand la droite ne sait plus comment faire pour s'en sortir, eh bien, elle s'arrange pour mettre au pouvoir un parti fasciste, un parti militariste, et ça lui permet de vendre des armes, de vendre des munitions, de vendre des pansements, des jambes de bois, des cercueils, etc., etc., et donc de faire des affaires. Et puis ensuite, par la même occasion, de creuser la mort d'un certain nombre de chômeurs, et après la guerre, eh bien, il faut reconstruire. Donc il y a beaucoup de travail, d'une part, et d'autre part, il y a moins de travailleurs, puisque il y a beaucoup de travailleurs qui ont été tués pendant la guerre. Alors, donc, Brest, les bombes. Ensuite, Léo Ferré, la mafia, une chanson. CNews, Europe 1, Adrien Quatennens. Camille, 15 ans, nous jouera un air de violon. Ensuite, CNews Europe 1, toujours encore, deuxième partie, Adrien Quatennens, qui nous parlera toujours de l'actualité politique, des projets de la France insoumise. Ensuite, un air de musique classique. CNews Europe 1, Adrien Quatennens, troisième partie. Un peu de musique classique encore. CNews Europe 1, dernière partie, Adrien Quatennens. Voilà. Ensuite, de la musique. Chanel joue la danse espagnole. Belle musique. Classique. Hein? Bah oui, on entend tellement peu sur cette antenne de la musique classique et sur les antennes des autres radios libres ou pas libres, commerciales ou local, que bah, il faut rétablir d'une certaine manière un peu l'équilibre. Alors, autant que la musique classique, bah, elle n'a pas de patrie. Voilà. Bon, revue de presse, la revue de presse de la musique, Léo Ferré, chanson d'automne de Verlaine. Jean-Luc Mélenchon nous parlera des OGM, des pesticides et nous prédira que l'humanité est en train de se suicider. Ensuite, l'humoriste juif Pierre Dac cloue son bec. Au propagandiste Henriot, Philippe Henriot, qui était le propagandiste de Pétain. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des fascistes allemands, des nazis allemands, mais il y a eu du fascisme en Espagne, au Portugal, en Italie, en France. Les pétainistes, c'était des fascistes, hein, les collabos, des fascistes. Alors, rappelons que dans une population donnée, eh bien, ce qui s'applique statistiquement, c'est la courbe de Gauss, c'est-à-dire le chapeau de gendarme, vous savez. À la façon de Napoléon, hein. À gauche, à extrême gauche, 5% de résistants, à l'extrême droite, 5% de collabos, et entre les deux, il y a 90%. Alors, ces 90%, vous les appelez comme vous voulez. Certains auraient tendance à dire que ce sont des moutons. Bon, je vous laisse à votre jugement, c'est vous qui décidez. Ensuite, donc, Jean Ferrat nous chantera une chanson en rapport avec le génocide des Juifs, hein, mais génocide des Gitans aussi, assassinat massif de communistes, de francs-maçons, de résistants. Hein. Alors donc voilà, la Deuxième Guerre mondiale, ce que c'était les conséquences du fascisme. Certains utilisent le mot fascisme sans savoir ce que ça veut dire. C'est dommage, ils sont allés à l'école, ils auraient dû apprendre. Mais voilà. Ensuite, Chopin jouera Nocturne, et puis voilà. Hein. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit à l'écoute de RGM. Le calendrier des esclavages et des libérations. Que s'est-il passé le 15 juillet? Le 15 juillet 1514, en Hongrie, le plus grand soulèvement paysan de l'histoire hongroise commence. Il s'achèvera dans une bataille près de Temesvar, où les féodaux baignent le pays d'un flot de sang. Voilà. Bon, rien à voir avec la situation actuelle, bien entendu. Hein, toute ressemblance. 1833, France. Lors d'une grève des ouvriers de la soie à Lyon, les fabricants, craignant une extension du conflit, accepte les nouveaux prix. Cette fois, les canuts ont gagné. Donc, ça vaut le coup de se battre. 1833 encore, mais aux USA. À New York, après une grève réussie des charpentiers, grâce au soutien des autres corps de métier, les travailleurs se réunissent pour former un cartel. Menuisiers, imprimeurs, travailleurs du cuivre et du cuir, doreurs et boulangers y participent. 1876, Mexique. Le numéro 5 de El Hijo del Trabajo, le fils du travail, traite de l'émancipation de la femme. 1876, vous voyez déjà au Mexique, il fallait se battre contre une certaine forme de fascisme. Bah oui. 1876, USA. Le congrès de Philadelphie prononce la dissolution de la Première Internationale. Conçue en France, née en Grande-Bretagne, agissant à travers l'Europe, elle s'éteint aux USA. Elle a été un lieu privilégié de concertation et d'action internationale. Elle a aussi vu s'affronter deux conceptions de l'humanité et de l'histoire. Le marxisme, avec son souci de systématisation révolutionnaire, et l'anarchisme, avec son attention à l'explosion révolutionnaire brute. 1910, Allemagne. Grève de 10 000 dockers à Hambourg. Mais quand je disais tout à l'heure que la Deuxième Guerre mondiale avait pris ses sources dans la misère du peuple allemand. Grève de 10 000 dockers à Hambourg. Les patrons lock-out de 1 400 ouvriers. 1922, Japon. Fondation du Parti communiste japonais. Nihon Kyosanto, hein, ah oui, c'est écrit, 1927, Autriche, suite à la relaxation des assassins de Schattendorf, les ouvriers du bâtiment et des centrales électriques de Vienne se mettent en grève de bon matin. À 8 heures, d'autres catégories de travailleurs se joignent à eux. Des affrontements ont lieu avec la police. Les milices ouvrières tentent en vain d'intervenir. 1933, Allemagne. Après la prise du pouvoir par Hitler, dans les conditions que j'ai décrites tout à l'heure, une loi permet à l'État de réunir les branches d'une industrie donnée dans un cartel obligatoire. Ah oui, Starkulschwer. Ben, 1959, USA. Début de la grève de l'acier. Alors, je disais Starkulschwer, aucune ressemblance avec la situation actuelle, bien entendu. On n'en est pas là. On n'en est plus là. Ou on n'en est pas de nouveau là, quand même. 1959, USA. Début de la grève de l'acier. 1893, France, un décret fait bénéficier d'une dérogation permanente de la loi de 1892 les distilleries de betteraves, les fabriques d'objets de fer, les usines d'extraction d'huile, les papeteries, les raffineries de sucre, les verreries. On peut y faire travailler de nuit des femmes majeures et les enfants de sexe masculin. 1893, je rappelle. 1893, c'est pas 2019 en France. C'est en France, mais c'est en 1893, bien entendu. Hein, voilà. La roue de l'histoire ne tourne pas sur elle-même pour revenir à son point de départ, quand même. Ah ben non, c'est pas ça une révolution. Ah non, bien sûr que non. Et oui, et les Français ont quand même voté pour Macron. C'est 1500 jours d'occupation, 200 fois en 4 ans, et ceci dès le début de l'invasion. Brest est d'abord pilonné par les Allemands, qui vont s'emparer du port le 19 juin 1940, le lendemain même de l'appel du général de Gaulle. Dans l'arsenal militaire de la ville, ils installent leur redoutable flotte de croiseurs, prêts à partir à l'assaut de la Manche et de l'Angleterre, la prochaine bataille. Les Anglais ne peuvent pas laisser faire, et ils lancent dès les premiers jours leurs bombardiers sur Brest. Les bombardements se font à haute altitude. Ils sont peu précis et n'épargnent pas le centre-ville, situé exactement entre le port commercial et l'arsenal militaire. Ce sont près de 4000 tonnes de bombes qui sont lâchées sur la seule ville de Brest, soit quasiment la moitié de toutes celles déversées sur l'Europe par les Alliés cette année-là. Et ce n'est que le début. Car les Allemands y entreprennent très vite la construction d'une des plus grandes bases de sous-marins de l'Atlantique. Le bunker qui l'abrite est le plus grand jamais construit à l'époque. En construisant cette base à Brest, les Allemands s'assurent une ouverture sur l'Atlantique afin que leurs sous-marins puissent aller couler le maximum de bateaux, de convois, de ravitaillement des Anglais. Alors c'est une gigantesque base, c'est ni plus ni moins qu'un parallélépipède de béton, gigantesque, 500 000 mètres cubes de béton qui vont être coulés en 500 jours et nuits, puisqu'on coule le béton sans arrêt. Et dans cette masse, on va aménager 15 alvéoles capables d'accueillir à peu près 24 U-boats. Ces sous-marins allemands, les U-boats, partent de Brest pour torpiller les navires américains qui ravitaillent l'Angleterre. La base devient alors une cible prioritaire. Pas moins de 82 bombardements vont la viser spécifiquement, sans épargner, évidemment, le centre-ville tout proche. Ils font parfois mouche, mais parmi des dizaines de milliers de tonnes larguées, 5 bombes seulement parviendront à ébranler l'épais blindage du bunker, perçant ses 6 mètres d'épaisseur de béton, sans même réussir à atteindre un seul des sous-marins qui s'y abritent. En août 1944, après 4 années d'occupation, la ville est assiégée par l'armée américaine. La libération semble proche, mais Brest va souffrir jusqu'au bout. la prise de Brest va se faire par le biais d'un siège extrêmement violent qui va durer 44 jours jusqu'au 18 septembre 1944. Pour soutenir le siège et l'avancée de ses troupes, la 8e armée va faire appel à des bombardements quotidiens. C'est la stratégie du marteau. On martèle jusqu'à dégoûter autant que faire se peut les Allemands et les écraser sous les bombes. 30 000 bombes lâchées depuis les airs et 100 000 obus tirés depuis terre et mer. La prise de Brest aura achevé de détruire la ville. Quelques jours plus tard, un habitant, Marcel Réaubourg, filme avec sa petite caméra amateur les ruines et le désastre dont il découvre l'ampleur. Qu'y aurait-il encore à récupérer dans ces débris qui jonchent le sol et ces immeubles éventrés? Les Brestois ont tout perdu. Après 4 années de guerre, la ville est exsangue. Le bilan est extrêmement lourd. Dans l'ensemble de la ville, sur les 16 500 immeubles existants avant la guerre, 200 seulement ont été épargnés. Dans le centre-ville, c'est encore pire. 7 immeubles sur 5000 sont encore debout. 7 immeubles seulement. La ville entière est à reconstruire. Et cela va prendre plus de 15 ans. Alors, la première étape de la reconstruction, elle est quasiment invisible, si l'on peut dire, puisqu'on s'occupe d'abord du sol, un sol qui est encombré des débris des immeubles et qui est aussi probablement encombré de quelques explosifs. Il faut donc d'abord déblayer et déminer avant d'entreprendre la reconstruction proprement dite autour de 1948. Dès l'automne 1944, on rétablit une circulation sommaire en repoussant à la hâte les gravats sur les côtés pour dégager des passages qui serpentent entre les ruines. Et quand le général de Gaulle visite en libérateur la ville qu'il avait dû fuir 4 ans plus tôt, il est accueilli par une immense foule qui l'acclame, massée le long de son parcours, sur les ruines comme sur d'immenses gradins à ciel ouvert. Dans toutes les villes, les ruines, c'est des gravats, c'est des montagnes de gravats. Donc il a fallu réfléchir. Comment les enlever? Or, la France était appauvrie par la guerre et l'occupation. Il n'y avait pas de grues, il n'y avait pas d'engin de levage. Donc, souvent, les gravats ont été enlevés à la pelle, à la main, à la brouette, ce qui était long. Avec les moyens du bord, il faut aussi précipiter l'écroulement des façades qui menacent de s'effondrer sur les survivants. Et cela fait encore d'autres débris à évacuer. Sur l'ensemble de la France, le gouvernement évalue les gravats à déblayer à 100 millions de mètres cubes, l'équivalent de 40 fois la grande pyramide de Gizeh. Et puis, on les enlevait parce qu'on savait que là, on allait construire quelque chose, mais on allait les mettre où? Et ça aussi, c'était un problème. Alors, il y a un certain nombre de villes en France, Tours en particulier, mais il y en a d'autres, qui ont été, dans les années 50, entourées de boulevards périphériques. Et ces boulevards périphériques ont été construits sur les gravats. À Brest, c'est carrément la ville entière que l'on va rebâtir sur les gravats, que l'on ne sait où évacuer. Les couches s'accumulant, certaines rues ou certains quartiers vont se retrouver plusieurs mètres au-dessus de leur niveau d'origine. Ainsi, dans le centre, l'église Saint-Louis a été reconstruite au niveau de la nouvelle rue, mais 10 bons mètres au-dessus de l'ancienne église du XVIIIe siècle, dont quelques ruines sont encore visibles dans ses sous-sols. Avant-guerre, la rue Pasteur, ancienne rue nationale, descendait en pente continue depuis l'actuel hôtel de ville jusqu'à la rivière Penfeld. Des centaines de tonnes de gravats sont déversées pour la combler entièrement. Et aujourd'hui, elle débouche carrément 30 mètres au-dessus de son emplacement d'origine. Les urbanistes et les ingénieurs ont profité des destructions de la guerre pour changer totalement la topographie de la ville. Elle est aplanie grâce aux gravats, traversée par un grand axe, avec un plan carré, des rues perpendiculaires, tout adapté à la nouvelle société de l'automobile. sur des ruines de la guerre est née une ville nouvelle du XXe siècle. Une réinvention qui a mobilisé des moyens considérables et pris de longues années. La reconstruction, c'est à peu près un chantier de 10 ans. On commence vers 1948 et la reconstruction peut être considérée comme achevée autour de 1958-1959, même si symboliquement, le dernier édifice reconstruit sera la maison du maire, c'est-à-dire l'hôtel de ville qui, lui, sera inauguré en 1962. 10 années pleines et plus de 4 ans de déblaiement. 8000 ouvriers sont mobilisés pour la seule ville de Brest pendant près de 15 ans. Et des chantiers comme Brest, il y en a dans toute la France. Un ministère spécial de la reconstruction et de l'urbanisme, le MRU, est créé dès octobre 1944, avant même la libération totale du pays. Mais tout cela se met péniblement en place dans une France où règne la désorganisation, les difficultés d'approvisionnement et une pénurie générale. Il y avait peu de main-d'œuvre, une main-d'œuvre pas qualifiée, il n'y avait pas d'outillage, il n'y avait pas de matériaux, donc on manquait de tout. Le grand problème, c'est comment reconstruire un pays quand toutes les voies de communication sont complètement aux deux tiers détruites. Les ports, évidemment, sont obstrués pour un certain temps ou à moitié détruits ou complètement détruits. Les gares de triage, les nœuds ferroviaires et routiers ont été bombardés. Les bombardements alliés ont systématiquement visé les chemins de fer et les ponts pour enrayer l'acheminement des troupes et du matériel allemand. Parallèlement, les résistants ont été chargés de les saboter pour préparer le débarquement. Quant aux Allemands, ils les ont consciencieusement détruits pour protéger leur fuite devant l'avancée alliée. Une fois que tous les belligérants se sont acharnés sur les infrastructures, il n'en reste plus grand-chose. La France est à l'arrêt. En tout, 8000 ponts, ferrés comme routiers, ont été démolis, dont 700 l'ont été plusieurs fois au cours de la guerre. Un tiers des gares, trois quarts des lignes du réseau ferré et plus de 80% des locomotives sont détruits ou inutilisables. Même les plus petites routes, au fin fond du pays, peuvent être touchées. Car c'est une des autres caractéristiques de la Seconde Guerre mondiale, notamment par rapport à la Première. En 14-18, 13 départements seulement sont atteints, essentiellement dans le Nord-Est. En 39-45, les combats et les dommages se sont étendus à 83 départements, autant dire la quasi-totalité du territoire. Et la destruction des infrastructures va, en plus, isoler ces régions les unes des autres. Tout le sud-est de la France se trouve comme détaché du reste du pays. Tous les ponts du Rhône, de la Saône et du Doubs jusqu'à Besançon sont coupés, sauf deux passages à Lyon. La Loire est quant à elle infranchissable, de son embouchure jusqu'à Nevers, isolant ainsi sud-ouest et nord-ouest. L'Oise est coupée jusqu'à Noyon, la Seine du Havre jusqu'à Troyes, à l'exception notable de Paris, épargné aussi bien par les Allemands que par les Alliés. Le territoire national se retrouve donc coupé, fragmenté. Il est urgent de le réunifier. Je crois qu'à l'époque, je crois que c'est le général de Gaulle qui dit ça dans ses mémoires, pour aller à Strasbourg depuis Paris, il faut 15 heures. Et si vous voulez, pour affermir l'autorité sur un territoire, il faut quand même pouvoir y circuler et montrer qu'il y a une autorité qui peut qui a une présence et qui peut se déplacer. À l'échelle des villes mêmes, les quartiers se retrouvent isolés les uns des autres. Les conduites de gaz ou d'eau sont éventrées. À la libération de Lyon, par exemple, il ne reste plus que 2 ponts sur les 26 que comptait la ville. En quelques jours, on en reconstitue dans l'urgence avec ce qu'on peut encore trouver comme bois ou ferraille. Tout cela alors que le pays est encore en guerre sur une partie de son territoire. Tout le monde détruit tout, hein. Et on rafistole assez rapidement à la libération parce que les destructions ensuite gênent les mouvements de troupes de l'armée française et des armées alliées. Dans cette espèce de mouvement de dévastation générale, on a toujours destruction, reconstruction, destruction, reconstruction. C'est jamais très solide la reconstruction. C'est parfois pour faire passer au pas des chars ou des unités qui ne peuvent pas aller plus vite sans que le pont s'effondre. Pendant plusieurs années, après la fin de la guerre, les Françaises et les Français se déplacent dans la précarité la plus totale. Des embarcations de fortune font traverser les rivières. Des transbordeurs brinquevalants remplacent des ponts effondrés. Et quand les trains s'arrêtent au bord d'un fleuve, les passagers traversent en bac pour rejoindre l'autre rive où les attend à l'arrêt un nouveau train dans lequel ils vont poursuivre leur voyage chaotique. Il faut déployer des trésors d'imagination pour remettre sur pied les ponts détruits, car on manque de matériaux, bois, ciment, métal. On réutilise tout ce qu'on peut pour établir des passages, comme ces pylônes d'une station de radio bombardée qui servent de passerelle au pont Lafayette à Lyon. Les poutres de maisons démolies servent de charpente pour consolider un pont sur la Loire. On achemine même de Normandie les fameux pontons flottants qui ont servi pour construire le port provisoire d'Arromanches après le débarquement, pour en faire des tabliers de pont. 180 d'entre eux vont servir à travers la France, jusqu'en Moselle, en Alsace ou dans le Jura. Un an après la libération, 3700 ponts sur 8000 ont ressurgi. Mais ce sont des réparations d'urgence, du provisoire. Et le temps du provisoire ne peut pas durer. En 1945, le ministère des Travaux publics estime qu'il faudra lui fournir 200 000 tonnes d'acier et 600 000 tonnes de ciment pour reconstruire tous les ponts. Dans le contexte de pénurie générale de l'après-guerre, remettre sur pied chacun de ces ponts mobilise toutes les énergies, mais oblige aussi à faire émerger des techniques ingénieuses et novatrices. Le pont de Roppenheim, qui permet de franchir le Rhin entre la France et l'Allemagne, sera ainsi le premier reconstruit en dur. À la libération totale de l'Alsace, en mars 1945, les ingénieurs de la SNCF découvrent le pont disloqué, victime des bombardements. Les berges sont jonchées d'une accumulation de ferrailles distordues. Les trois grandes travées, de 1000 tonnes chacune, effondrées dans le Rhin, coupent totalement la navigation sur le fleuve, d'une grande importance stratégique dans cette région hautement industrialisée. Il faut la rétablir en priorité. La tâche est confiée aux scaphandriers, qui vont fixer eux-mêmes sous l'eau les charges de dynamite pour faire exploser tout ce qui a coulé dans le fleuve et en obstrue le passage. Une première passe est ainsi ouverte au trafic, 7 mois après la fin de la guerre. Pour reconstruire, il va falloir faire avec la pénurie et recycler le maximum d'éléments de l'ancien pont. Grâce à une grue flottante, elle-même bricolée avec les restes d'un chaland, on récupère les travées les moins endommagées. Côté Allemagne, deux tronçons de 250 et 800 tonnes sont ainsi dégagés, presque intacts. Côté français, la travée est rompue en deux tronçons de 200 et 500 tonnes. Le premier tronçon, suffisamment préservé, est sorti de l'eau d'un bloc. Puis, il faut le remettre à niveau le long de portiques spécialement construits. Les ouvriers vont passer de longues semaines à le rehausser grâce à un système de vérins pistons que l'on remonte de 18 cm par 18 cm. Le tablier sera ensuite complété et achevé avec toutes les structures métalliques que l'on aura pu récupérer. Les ouvriers entament un travail de forçat qui va s'achever à la fin de l'été 1947 seulement. 2 ans ont déjà passé depuis le début des premiers travaux. Et il faut encore reconstituer le reste de la travée. Les intempéries s'en mêlent. Pluie, inondation, neige. Les hivers sont particulièrement rudes dans cette après-guerre en Europe. Les travaux continuent malgré les difficultés et la première travée est achevée au cours de l'hiver 47-48. On va alors l'écarter parallèlement au pont, car la plateforme va devoir servir à la construction de la travée centrale enjambant le Rhin. Côté allemand, la grande travée a été entièrement reconstituée. Il faut maintenant avancer cette masse de 1000 tonnes jusqu'au pilier central. On procède d'abord depuis la rive, tant que le contrepoids est suffisant. Puis deux péniches, accolées, prennent le relais. « Le 28 mai 1948, plus de 3 ans après la libération, le tablier côté allemand est remis en place. Il faut encore relier les deux rives par le tablier central. On le munit d'un avant-bec et d'un arrière-bec lesté pour faire contrepoids et que la travée ne bascule pas corps et âme dans le Rhin. C'est ainsi qu'on peut la faire glisser jusqu'au pilier central, sans jamais que ne s'arrête le trafic fluvial. La travée côté France peut alors reprendre sa place. Le pont est achevé. Le 12 juin 1949, Roppenheim devient le premier pont définitif sur le Rhin à être remis en fonctionnement. 2 premiers trains peuvent symboliquement y relier France et Allemagne. Il leur a fallu 4 longues années pour réparer un seul pont. Quand il y en a 8000 à reconstruire dans toute la France, l'effort est gigantesque. Partout, des centaines de milliers d'ouvriers, des millions, sont mobilisés pour remettre sur pied les transports, pour rétablir le réseau électrique à terre, dans les campagnes comme dans les villes, pour ouvrir le réseau fluvial et les écluses. Dans les mines, des centaines de milliers de gueules noires sont à pied d'œuvre pour fournir le charbon qui viendra alimenter les usines reconstruites. La bataille de la production devient la grande cause nationale qui unit un temps toutes les forces politiques, des gaullistes jusqu'aux communistes. Dans leurs usines aux droits crevés, ils recommencent à forger pour cette tâche immense de reconstruction et de renaissance à laquelle la France entière se consacre. Ils savent que la grande nuit se termine. Ils répètent ces mots d'immense espoir. Que leur a dit leur chef, il n'y a pas d'exemple que le printemps ne succède à l'hiver. Mais l'hiver se fait bien long et le printemps cruellement attendre. En 1948, cela fait 3 ans déjà que la guerre est finie. Mais aucune grande reconstruction n'a encore été entamée. Le logement n'est pas du tout la priorité. La France compte plusieurs millions de sinistrés, qui sont souvent aussi ces travailleurs auxquels on demande tant d'efforts. On a reconstruit les gares, on a reconstruit les chemins de fer, on a reconstruit les grandes usines, les mines, etc. Donc, disons, l'appareil productif a été remis en route, mais en attendant, les gens se logeaient où ils pouvaient. Alors, ça veut dire soit dans leurs immeubles qui étaient à moitié effondrés, ceux qui n'étaient pas totalement effondrés. S'il y avait un trou dans le toit, on mettait des bâches. S'il n'y avait pas de carreaux aux fenêtres, on mettait du carton. Soit chez des amis ou des connaissances, et le fait d'habiter à 5, 10 dans un petit appartement, ça a été un élément d'une partie de la vie quotidienne des sinistrés. Pendant plusieurs mois, plusieurs années même, une vie s'organise vaille que vaille dans les ruines. On bricole de quoi dormir à l'abri. Les commerces s'installent dans les rez-de-chaussée éventrés. Les enfants sont accueillis dans des écoles à ciel ouvert, ou presque. Il y avait quand même 1 Français sur 8 qui était déclaré sinistré. 1 sur 8 n'était pas dans la rue, mais enfin, il était dans un logis endommagé. Donc, il disait, c'est pas possible, on va au-devant d'une crise sociale, il faut faire quelque chose, et tant pis, il faut mettre des baraquements provisoires qui serviront en attendant la reconstruction définitive. Pour fournir des logements d'urgence à ces millions de Français que la guerre a laissés sans logis, le gouvernement va acheter auprès des pays alliés des dizaines de milliers de baraques provisoires ou recycler celles qui ont servi après la Première Guerre mondiale dans le nord et l'est de la France. C'est ainsi que des cités entières de baraques en bois se sont érigées en périphérie des grandes villes sinistrées. Elles peuvent compter jusqu'à 10 000 habitants qui apprennent à y vivre durablement, y tissent de nouveaux liens sociaux et reconstituent peu à peu leur vie d'avant. Les meubles aussi ont disparu dans les décombres. Le ministère en fait produire en série et les vend aux sinistrés à un prix symbolique, payable en tickets de rationnement. Et pour la décoration, on récupère dans les bases de l'Atlantique, à Brest ou à Lorient, des pots inutilisés de peinture de camouflage des sous-marins allemands. Le jaune et le gris. Près du Havre, quand le camp Philip Morris, un des fameux camps cigarettes, est abandonné par les soldats américains qui rentrent au pays, il est immédiatement réinvesti par les sinistrés. Il va servir de très longues années. Ses habitants ne le quitteront que dans les années 80. Un employé municipal y logera même jusqu'en 2003. Toutes provisoires qu'elles étaient, certaines baraques servent même encore aujourd'hui, 75 ans après la fin de la guerre. D'habitations ici au Havre, de baraques de jardin au milieu d'une cité de Brest, ou de maisons de vacances à quelques mètres des plages du débarquement. À Caen et dans sa banlieue, des quartiers pavillonnaires sont encore, sans même que la plupart des habitants actuels ne le sachent, entièrement constitués de maisons préfabriquées achetées par le gouvernement pour loger les sinistrés. Le ministère de la Reconstruction en a importé des milliers, achetées à la Finlande, au Canada ou aux États-Unis. Conditionnées dans des caisses, elles sont débarquées dans les ports libérés, en kit et remontées sur place. Ces préfabriqués vont être l'occasion pour le ministère d'expérimenter in vivo toutes sortes de procédés pour reconstruire, vite et moins cher. Dans de véritables laboratoires à ciel ouvert, on teste toutes les gammes de béton ou les nouveaux isolants comme la laine de verre qui sont appelés à devenir les matériaux classiques de demain. Ces procédés vont ensuite être reproduits à grande échelle pour passer à une véritable industrialisation du bâtiment. Les gens qui travaillaient dans ce ministère ont dit il faut industrialiser, il faut préfabriquer, il faut travailler plus vite, il faut rationaliser les chantiers, sinon on n'arrivera pas à construire vite et suffisamment. C'est à cette époque que l'on généralise les plaques de béton armées de ferraillage, fabriquées à l'avance en usine, puis montées sur place. Les poutrelles, juste armées de tiges, permettent d'utiliser 5 fois moins d'acier qu'auparavant. Les bétonneuses apparaissent dans les rues pour couler le béton directement sur site. La reconstruction fait ainsi émerger de nouvelles techniques qui vont révolutionner les chantiers pour longtemps. Dans les 15 années qui suivent la fin de la guerre, les baraques et les ruines vont peu à peu laisser la place aux premiers grands ensembles, aux premières grandes cités. La reconstruction va être une chance formidable pour les ingénieurs, comme pour les grands théoriciens de l'architecture moderne. Les circonstances malheureuses vont leur permettre de mettre en œuvre leurs innovations révolutionnaires. Vampicité dans la débine, la mécaette dans la mafia, un coup de sourdine, dessus de combine, et ta vie ton rata, tandis toi tu joues à l'homme. Tu me l'as fait au cousu d'or. Tu n'es qu'une pomme, car les vrais hommes, ça fait des petits efforts. Méfie la mafia radine, t'as une bonne place à l'usine. C'est pas que t'aimes la mandoline, mais la mafia, elle aime ça. Pour mieux beurrer tes tardines et merdailler ta poitrine. Faut savoir jouer de la chopine, et la mafia, elle aime ça. Tant pis si t'es au bas de l'affiche, t'avais qu'à être dans la mafia. Un petit pour riche, et te v'la riche, avec un nom comme ça. Tandis que toi tu prends des poses, t'es même pas dans le bottin. Ça dispose, mais c'est à cause de ça que t'es dans le pépin. Méfie la mafia se ramène, t'es ni José ni Carmen. Quand tu chantes c'est la bohème, et la mafia elle aime pas ça. Tu vas traîner en tes rengaines, le long de la longue scène, en crachant sur ceux qui t'aiment, et la mafia elle aime pas ça. Tant pis si tu meurs dans la dèche, vaut mieux crever dans la mafia, avec une crèche, dans une calèche, et des croque-muches en soie. Tandis que toi tu pars en somme, tu pars comme t'es jamais venu. un petit coup de gomme. Si t'es un homme, personne n'en a rien su. Regardez-moi le mec qui se taille, tiré par deux chevaux de bataille, suivi par un chien qui braille. À son amour, à son amour. Et la mafia qui se cavale, car pour louer sous la dalle. C'est pas comme pour la fringale, c'est jamais le jour, c'est jamais le jour. Si tu chantes ma chansonnette pour faire ton métier de vedette, t'as qu'à barrer ce qui t'embête avec des X, ou bien chanter en anglais les conneries qui plaisent aux riches. Alors tu seras sur l'affiche, Apocatrix, Apocatrix. Bonjour à tous, bienvenue dans Le Grand Rendez-vous, votre émission qui lance la semaine politique. Un piètre score aux européennes, trois fois moins qu'à la présidentielle, et c'est toute la France insoumise qui se fissure. Des critiques, des portes qui claquent et des insoumis historiques pour certains qui se rebellent contre Jean-Luc Mélenchon, sa personne et sa ligne politique. Et c'est notre invité qui est appelé à la rescousse, nommé numéro 2 du mouvement. Non, il récuse, il n'est pas un numéro dans un parti officiellement sans hiérarchie, même si on sait assez qui est le numéro 1. Alors coordinateur, pour changer quoi? Le fonctionnement du mouvement, sa stratégie, ou rien, a-t-il été nommé pour ne rien changer? Jean-Luc Mélenchon, qui se vit en Robespierre, le surnomme Saint-Just, c'est dire la confiance qu'il lui accorde, même si le destin du montagnard jusqu'au boutiste n'est peut-être pas fait pour rassurer l'intéressé. En tout cas, Saint-Just a la lourde tâche de devoir préparer une rentrée politique compliquée avec des municipales en ligne de mire, doublée d'une rentrée judiciaire pour le chef des Insoumis et quelques-uns des siens. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour Hélène Jouan, ça nous fait une très belle introduction. Merci d'avoir accepté l'invitation du Grand Rendez-vous. Merci à vous. Vous êtes député du Nord et vous avez donc été nommé coordinateur du mouvement La France Insoumise. Cette nomination sera adoubée demain, sera confirmée sans doute par les militants de la France Insoumise. Avec vous, nous allons donc parler de votre nouveau rôle. Pourquoi cette nomination? Qu'est-ce que vous comptez en faire pour essayer de retrouver l'aura électorale perdue de la France Insoumise? Et puis on va évidemment parler de l'actualité politique, économique, sociale et européenne. Pour vous interroger, Cécile Cornudet, éditorialiste aux Échos. Bonjour Cécile. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Et Damien Fleurot, chef du service politique de CNews. Damien Fleurot qui vous pose la première question. Merci Hélène. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour Damien Fleurot. Jean-Paul Delevoye, le monsieur retraite du gouvernement, présentera donc le 18 juillet ses recommandations pour la future réforme. Un gros dossier chaud peut-être de cette rentrée sociale. Après 2 ans de concertation, les grandes lignes donc de cette réforme. Est-ce que au moins sur la forme, vous pouvez, Adrien Quatennens, saluer cette volonté de dialogue de Jean-Paul Delevoye pour mener à bien cette réforme? Ah mais le dialogue est toujours bienvenu. Après, puisque vous voulez qu'on parle de la forme, on peut parler de la temporalité, parce que c'est quand même, vous l'avez dit, au beau milieu du mois de juillet, que les principaux arbitrages... Le 18 juillet, tous les Français ne sont pas encore en vacances, il y a une session parlementaire... Non, tous les Français ne sont pas en vacances, et effectivement, il y a une session parlementaire qui est normalement extraordinaire, mais qui finalement devient la règle. C'est-à-dire que cette session estivale, désormais, c'est tous les ans qu'elle est reconduite. Ce n'est pas propre à cet exécutif. Non, certes, mais par contre, regardez l'ordre du jour, et vous verrez que des sujets... absolument centraux, sont discutés au beau milieu de l'été. Alors, sans doute, peut-être, tous les Français ne sont pas partis en vacances. D'ailleurs, beaucoup n'ont pas la chance de pouvoir partir, c'est vrai. Mais vous reconnaîtrez quand même que l'attention sur la vie politique est plutôt en train de décroître en ce moment. Or, c'est précisément à ce moment-là que les arbitrages attendus vont être rendus. Ou alors, et nous en parlerons après, que nous allons voter, par exemple, le CETA, le traité de libre-échange. Donc, si on veut parler que de la forme, je pense qu'on peut quand même faire mieux que ça. Sur la concertation quand même, avec les partenaires sociaux, avec un certain nombre de personnes depuis 2 ans... Là, il y a eu du dialogue. Sans doute que le dialogue existe bien, mais regardez par exemple sur le cas de l'assurance chômage, il y a eu aussi du dialogue entre patronat et syndicats. Puis qu'est-ce qui se passe derrière? C'est le gouvernement qui reprend la main. Bah, d'ailleurs, parce qu'ils sont pas mis d'accord. Ah oui, c'est votre avis. Moi, je pense précisément que le gouvernement a tout fait pour que syndicats et patronat ne tombent pas d'accord, qu'il a eu des exigences en matière de lignes rouges et de feuilles de route qui précisément ont produit cet effet qu'il a dû sur l'assurance chômage reprendre la main. Je crois que reprendre la main, c'était en fait l'objectif de ce gouvernement. Mais sur les retraites, si vous l'acceptez, peut-être on peut parler un tout petit peu du fond, parce que la forme c'est une chose. Mais ce que Monsieur Delevoye nous annonce, C'est la feuille de route finalement macroniste de simplification. Il faut tout simplifier. Hein, Monsieur Macron a déjà simplifié le code du travail. Il simplifie l'hôpital public, l'assurance chômage. C'est parce qu'il dit qu'il veut travailler à la meilleure équité. Oui. Parce qu'il trouve pas normal, par exemple, qu'une infirmière ait une même retraite qu'elle travaille dans une clinique, et pas même retraite qu'elle soit dans une clinique ou dans un hôpital. Donc ça, c'est quand un objectif que vous devez suivre, Madame, non ? Madame Cornudet, puisque vous proposez que on observe ces premières recommandations, en tout cas les premières pistes qu'on a à cette heure. Sous le prisme de l'équité, regardons. On nous parle d'une retraite par points. Alors tout ça est très technique, je vais essayer de résumer à grands traits, mais en gros, l'idée de dire, aujourd'hui il y a 42 régimes, tout ça serait par nature trop complexe. Moi j'interroge d'ailleurs le fait que 42, pourquoi 42 serait trop complexe? Si les 42 se justifient pas. C'est vrai, juste que c'est inégalitaire. Alors, est-ce que 42, ça vous pose pas un problème? Moi, ce qui me pose problème dans la retraite, alors qu'on puisse s'améliorer sur le système de retraite d'aujourd'hui, c'est sûr. Néanmoins, dire qu'un système par points serait par nature égalitaire est faux. Sur le papier, c'est le cas, parce que le système par points, c'est de dire, tout le monde part d'une même ligne de départ, cumule des points dans sa besace, avec aussi ce fait que vous ne connaissez pas à l'avance quel sera le montant de votre pension, puisque M. Delevoye nous explique que la valeur du point, pardon pour le côté technique de l'explication, mais peut-être modulée au fur et à mesure des années, vous saurez donc en fin de carrière, en convertissant votre stock de points, quel va être le montant de votre pension. Donc vous n'avez aucune visibilité. Ensuite, sur la question de l'égalité, le fait que tout le monde cumule des points qui ont la même valeur. J'alerte sur un fait, c'est que ça n'est pas égalitaire. Pour la raison que M. Delevoye nous explique notamment que la valeur du point pourrait être fonction de l'espérance de vie de la génération en cours. Oui, mais que fait-il des écarts d'espérance de vie qui existent au sein d'une même génération? Il n'en parle pas. Il dit que si, la pénibilité va être prise en compte. Alors, mais il n'y a pas que la pénibilité, Madame Cornudet. Regardez, entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres de ce pays, il y a en moyenne 13 années d'écart d'espérance de vie. De la même manière, entre un salarié et un cadre, il y a 6 années d'écart d'espérance de vie. Qu'en fait Monsieur Delevoye? Et par ailleurs, moi j'alerte sur... Donc ça, il faudrait forcément le réintroduire à un moment donné pour arriver à cette égalité qui n'existe pas malgré tout aujourd'hui. Mais on peut s'améliorer, mais moi je vous le dis, ça va être encore pire avec un système par points. Sans compter que le débat sur l'âge de départ, Monsieur Macron a l'habitude de faire ça. Vous savez, il lance quelques leurres pour ensuite dire Alors, non, on ne touche pas à l'âge légal à 62 ans, mais il y a effectivement un âge pivot, un âge d'équilibre qui est repoussé à 64, alors, qui est aujourd'hui l'âge auquel on part alors, à la retraite. Qu'est-ce que vous comprenez, Hélène Jouan, quand on dit ça? Si on traduit ce que vous venez de dire, je pense que vous pourriez faire la traduction sans moi. Ça veut dire que l'âge légal de départ n'est plus que théorique, puisqu'on va organiser les conditions que vous renonciez à partir à 62. C'est déjà le cas aujourd'hui. Et que vous partiez... Oui, mais c'est un problème. Pourquoi est-ce un problème? Pas par principe. Moi, je veux vous dire, y compris que la position qui est la mienne, qui est la nôtre à la France Insoumise sur les retraites, n'est pas une position principielle. C'est notamment lié à la situation de l'emploi et du chômage dans ce pays. Donc parce qu'aujourd'hui, déficitaire, pour vous, il n'est... Non, mais la seule on peut régler les problèmes. Je vais vous parler dans un instant, si vous voulez, du régime déficitaire et de la question des sommes à collecter. Mais juste un instant. Sur la question de l'emploi en France, plus vous retardez l'âge de départ effectif, mettons de côté la question de l'âge légal, puisqu'on peut créer les conditions qu'il soit théorique, plus vous décalez l'âge de départ effectif, plus vous créez une situation de chômage aux deux extrémités de la vie active. D'un côté, vous avez au bout de la carrière de plus en plus de seniors qui sont au chômage. En fait, on devrait tous être interloqués par le fait que dans ce pays, il y a quelques 300 000 personnes de plus de 60 ans qui sont au chômage, alors que pour l'essentiel, le 80% d'entre eux, ils ont leurs 40 annuités de cotisation. Et de l'autre côté de la vie active, vous avez des jeunes qui peinent à s'insérer dans l'emploi. Donc, y compris sur la question du chômage et de l'emploi en France, cette question de finalement la durée du temps de travail, c'est valable dans la vie, mais aussi dans la semaine, elle me paraît centrale. Et donc l'espérance de vie n'a rien à voir. On ne peut pas prendre en compte l'allongement de l'espérance de vie, certes inégalitaire aujourd'hui entre les différents travailleurs, mais qui se pose quand même. Mais Hélène Jean, il faut raisonner dans l'autre sens, si vous me le permettez. C'est-à-dire que pourquoi l'espérance de vie dans notre pays a augmenté? Notamment, pas que, mais notamment parce que la durée du temps de travail a diminué. Vous regardez, c'est assez facile de l'observer sur quelques courbes. À mesure que le temps de travail a diminué dans notre pays, dans la semaine, par le temps de travail hebdomadaire, ou avec les congés payés, ou avec la durée, l'âge légal de départ à la retraite, l'espérance de vie a, elle, augmenté. Et par ailleurs, l'espérance de vie en bonne santé dans notre pays est mise en cause, elle diminue. Donc véritablement, cette question est centrale de savoir à quel âge peut-on partir en retraite. Maintenant, je ne veux pas esquisser, éviter votre question sur justement, les caisses. Comment on remplit les caisses? On va en parler notamment avec le dossier de l'assurance chômage annoncé donc il y a une quinzaine de jours par le gouvernement. Une note de l'UNEDIC dit que plus d'1 million de chômeurs pourraient être perdants en raison du durcissement des conditions d'accès à l'indemnisation notamment. Est-ce que ça vous pousse à vous mobiliser, notamment à répondre favorablement à l'appel à manifester de la CGT le 21 septembre prochain contre cette réforme? Oui, évidemment. Et d'ailleurs, je pense que le début de cette émission montre bien que même en plein été, les sujets d'actualité sont importants et des sujets sociaux graves. La retraite, c'est quand même pas une mince affaire, l'assurance chômage non plus. Bon, sur même la question si c'est du... une réforme qui est a priori plutôt soutenue par alors, les Français. Sur la question du chômage, dire une chose d'abord, puisque tout est lié en économie. Par exemple, on parlait à l'instant des retraites. Si vous augmentez les salaires, ne serait-ce que de 1%, vous avez 2,5 milliards de cotisations en plus. Manière de dire aussi que quand on propose la relance de l'activité, notamment par l'augmentation des salaires, on produit un effet bénéfique en bout de chaîne sur les caisses, et notamment les caisses de retraite. Si vous créez ça de l'activité... Non, ça se décrète pas. Mais enfin, si, en l'occurrence, sur le SMIC. En l'occurrence, oui, sur le SMIC, ça peut se décréter, pour le coup. Mais sur la question, y compris de l'emploi, quand je propose, on parlera aussi sans doute de ça tout à l'heure, de créer de l'activité par la planification écologique. Sur, par exemple, le système agricole, passer à une agriculture plutôt paysanne, on avait chiffré ça à 400 000 emplois. Vous créez juste 100 000 emplois dans ce pays, vous avez à peu près 1 milliard, 1 milliard 5 de plus de cotisations. Donc, vous voyez, en fait, qu'on ne peut pas penser le problème du chômage et des retraites uniquement en étant sur cette feuille-là. Ensuite, sur l'assurance chômage. Ce qui me déplaît fortement, que je trouve gravissime de la part de la ministre du Travail et donc d'Emmanuel Macron, c'est que cette réforme de l'assurance chômage, d'abord c'est un simple décret, ce qui fait que nos débats sont réduits à la portion congrue, mais surtout c'est cette petite idée finalement que quelque part les chômeurs seraient responsables de leur chômage. Puisque en gros l'essentiel de ce décret et de cette réforme, c'est de durcir les conditions d'accès à l'indemnisation, vous l'avez dit, on a eu quelques éléments chiffrés, à peu près 1,2 million de personnes qui ne vont plus maintenant être indemnisées, en tout cas qui vont être directement impactées, rien que la règle qui va faire qu'on exige maintenant que vous ayez travailler 6 mois dans les derniers 24 mois plutôt que 4 dans les derniers 28, rien que cette modification de règle va faire que 600 000 personnes, 600 000, ne vont plus être indemnisées. Alors, c'est une fausse idée. Plutôt que de s'attaquer aux chômeurs, moi je le dis, il faut s'attaquer au chômage. Et on ne s'attaque pas au chômage en attaquant l'indemnité. D'ailleurs, cette affaire a été invalidée par les faits. Enfin, le chômage a été au plus faible niveau dans notre pays alors que son indemnisation était sans commune mesure avec celle d'aujourd'hui. Au milieu des années 70, quand il y avait vraiment de l'activité dans ce pays, vous étiez au chômage, vous receviez une portion de votre salaire qui est sans commune mesure avec ce qu'il y a aujourd'hui. Pour autant, on n'a pas vu que les chômeurs de l'époque voulaient qu'entendent se maintenir au chômage. Non, c'est absolument faux. Donc, la question qui se pose est bien celle de la création d'activités. Et aujourd'hui, ça, c'est un problème. Nous avons une pénurie de création d'activités pérennes dans ce pays et les politiques macroniennes, notamment, en tout cas celle qu'Emmanuel Macron poursuit, d'exonération fiscale, d'assouplissement, comme on l'entend, du marché du travail, sont moins efficaces que la limitation du temps de travail et que la relance de l'activité, notamment par l'écologie, que nous proposons, je le crois, fortement. We'll be right back. On continue à parler des réformes en cours à venir et éventuellement à contester avec Adrien Quatennens, député du Nord et nouveau coordinateur de la France Insoumise. Au lendemain des élections européennes, l'Europe a promu des nouveaux visages. L'Allemande Ursula von der Leyen à la Commission, la Française Christine Lagarde à la BCE, l'Italien David Sassoli au Parlement. Les populistes d'extrême droite avec le Rassemblement National, eux, ont échoué à obtenir des postes importants. Et vous, avec 6 députés, vous allez être une fois de plus les spectateurs de l'Europe. Bon, il ne s'agit pas de refaire après les élections européennes la campagne, mais je crois qu'à la lumière des nominations qui ont eu lieu cette semaine, qu'en réalité, on voit bien que la situation de dislocation de l'Union européenne se poursuit. En tout cas, de mon point de vue, c'est le cas. Et je suis très inquiet d'ailleurs de ce que cela signifie politiquement. Pourquoi dislocation ? Pourquoi parlez-vous de dislocation ? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien une chose. Si vous regardez le Brexit, si vous regardez y compris la montée de l'extrême droite, de l'abstention partout dans les pays d'Europe, il y a une défiance très forte qui s'exprime à l'égard des institutions de l'Union européenne. Et pour moi, cette défiance, elle est éminemment politique. Elle est due au fait que, s'il fallait résumer les choses à grands traits, l'Union européenne de nos rêves, celle qui a été pensée comme un espace de coopération entre les peuples, a été complètement dévoyée. C'est devenu un espace d'exacerbation, de la compétition entre tous. Mais vous dénoncez le bipartisme et à la fois, là, il y a une représentation pluraliste au Parlement européen, différents groupes parlementaires, différents courants. Bon alors, venons sur le fond. D'abord, dire une chose, vous avez raison, il y a une représentation au Parlement européen, il y a une élection qui a eu lieu et... les chefs, finalement, de l'Europe, ceux qui ont été nommés, l'ont été très à l'écart, à la fois du Parlement européen, mais aussi du suffrage universel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous présente Madame von der Leyen, et c'est vrai, puisqu'elle est maintenant à la tête de la Commission européenne, ou Madame Lagarde, comme les nouvelles chefs de l'Europe, mais en réalité, personne n'a voté pour elle. Le PPE est à... Non, mais ça, c'est un problème, parce que si vous voulez, pendant que le Parlement européen élu faisait sa rentrée à Strasbourg, ces tractations très à l'écart se faisaient à Bruxelles. Ça pose quand même une question qui doit... En respectant malgré tout oui, les équilibres politiques, etc. Voilà, très bien, mais néanmoins, comprenez que... Issu du suffrage universel. Oui, mais l'effet produit sur nos citoyens, c'est encore une fois que ce sont souvent les mêmes technocrates qui sont à la tête de l'Union européenne. Alors après, regardons politiquement ce que ça signifie. Moi, je ne crois pas qu'on soigne quelques malades que ce soit avec les docteurs Maboul. Et en réalité, quand je regarde la composition et le pédigré politique de ceux qui ont été nommés, je suis inquiet. D'abord, Madame von der Leyen, ministre de la Défense allemande, désormais à la tête de la Commission européenne, a des positions qui sont très atlantistes. Elle réaffirme sans cesse sa volonté, finalement, d'accentuer le fait que la défense soit arrimée, la défense en Europe soit arrimée à l'OTAN. Ce que vous contestez, vous, aujourd'hui. Évidemment, parce que je vois que partout dans le monde, la paix est menacée. Et je sais peut-être mieux que d'autres que la paix est une construction politique patiente, qu'elle ne se décrète pas, et que l'Union européenne, et la France en son sein, a un rôle majeur à jouer, et que la première des conditions, de mon point de vue, est de rompre avec l'OTAN, avec la politique souvent belliciste des États-Unis d'Amérique, et je vois que Mme von der Leyen, par exemple, a écrit des tribunes pour se réjouir de la hausse des dépenses militaires. Mais c'est en cohérence avec ce qui nous a été annoncé pendant la campagne européenne, c'est vrai, puisque dans un cadre de dislocation notamment économique et sociale de l'Union européenne, on nous a promis... comme seul projet pour réenchanter l'Europe, de construire ensemble, allez, l'Europe de la défense. Et une Française à la tête de la BCE ? Mais alors, sauf à considérer qu'on doit se réjouir du fait qu'il y ait de la francophonie, ce qui est toujours très bien, parmi les têtes pensantes de l'Union européenne, Madame Lagarde, c'est pareil, sur les sujets qui sont les siens, je veux dire, elle était au Fonds monétaire international, il suffit de regarder sa trajectoire politique et de voir y compris comment elle s'est conduite personnellement dans le traitement de la Grèce, quand il a été l'occasion d'expliciter ce que la Grèce devrait faire, les différents mémorandums qui lui ont été imposés. Elle a beaucoup évolué sur le plan budgétaire. Oui, mais ce sont les tenants d'une Europe austéritaire, d'une Europe libérale. Et Madame Lagarde, plus que beaucoup d'autres, c'est son fameux duo entre austérité budgétaire d'une part et privatisation à tout bout de champ d'autre part. Voilà qui sont aujourd'hui les tenants de l'Union européenne. Par conséquent, j'ai toutes les raisons, avec mes amis de la France Insoumise, d'être inquiet de la situation et de continuer à penser, y compris en Europe, que toutes les urgences qui nous ont poussé à faire la France Insoumise et ce programme que nous proposons restent aujourd'hui d'actualité. Je crois qu'il n'y a pas d'avenir pour l'Union européenne dans le cadre de ces traités qui interdisent l'harmonisation sociale et fiscale, qui empêchent d'investir considérablement comme il faudrait le faire, avec une banque centrale. Mais en France, vous avez obtenu 6,3% des voix. Certes, j'y viens, mais juste par exemple, regardez, la Banque Centrale Européenne, que va diriger désormais Madame Lagarde. Cette banque centrale n'a qu'un seul objectif, lutter contre l'inflation. Elle crée pour 80 milliards d'euros chaque mois, qu'elle ne prête même pas directement aux États, qu'elle prête aux banques privées. Et on nous annonce d'ores et déjà une nouvelle bulle financière potentielle. C'est-à-dire que ce sont exactement les mêmes politiques. On ne tire aucune leçon de ce qui s'est produit, notamment de la crise de 2008. Vous nous faites part de votre inquiétude sur ces sujets-là en Europe, sur l'accord de libre-échange avec le Mercosur, finalement donc signé après 20 ans de négociations. On sent que le gouvernement d'Édouard Philippe, Emmanuel Macron, même, prend peut-être un peu ses distances, met des précautions, des garanties sur cet accord, notamment sur la question de la préservation de l'environnement. Est-ce que cela vous rassure ? Absolument pas. En matière climatique, plus que dans d'autres sujets encore, Emmanuel Macron est le champion des tartuffes plutôt que le champion de la terre. Parce que Emmanuel Macron... Il annonce une règle, le respect de l'accord de Paris. Bien sûr, mais non, mais de fait, regardez, rien que, mettons même un instant de côté le Mercosur, rien que sur le traité de libre-échange avec le Canada sur lequel nous allons enfin avoir à nous prononcer. Ben oui, mais rien que ce traité-là de libre-échange, il écrase les accords de Paris, d'accord ? Donc faut dire les choses maintenant. Emmanuel Macron ne fait pas de l'écologie politique, il fait de l'écologie cosmétique. C'est que des effets d'annonce, c'est que de la communication, mais derrière, il n'y a rien de conséquent. On peut pas d'un côté dire on veut faire l'écologie, on veut interdire le plastique, aller vers plus de recyclage, on veut prendre toutes sortes de mesures, et en même temps, nous y revoilà, et en même temps, signer sans cesse ces accords de libre-échange climaticides. Emmanuel Macron, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, dit « Attention, rien n'est fait, on va bien regarder sûr, effectivement que ces accords de Paris et que le respect mais d'un certain nombre d'accords bravo, climatiques... » Bravo aux jeunes mobilisés pour le climat, bravo à toutes ces actions de désobéissance non-violente qui font la démonstration qu'il y a la capacité de se mobiliser sur ces sujets, parce que ces jeunes qui se mobilisent donc, notamment... Mais bravo au gouvernement s'il met un certain nombre de limites. Mais non, c'est pas des limites, parce que de quelles limites parlons-t-on ? Dans le cas du Mercosur, par exemple, quelles que soient les limites que nous annonce notamment le ministre Le Drian, on sait ce qui va se passer. Faut dire à ceux qui nous écoutent ce que sont ces accords de libre-échange. On parle du coup d'abaissement à la fois des tarifs douaniers, d'abaissement des normes qui vont faire en sorte qu'on crée un grand marché. En l'occurrence, le Mercosur, c'est avec l'Uruguay, le Paraguay, le Brésil et l'Argentine. Eh bien, regardez par exemple le Brésil de Monsieur Bolsonaro, qui est en train de poursuivre la déforestation de la forêt amazonienne. Alors, justement, sur ce sujet, il a dit... Oui, oui, mais bien sûr. Alors, sur ce sujet, comme sur tout l'autre, on va être très vigilant. Puis vous allez voir qu'à la fin, malgré une grande vigilance, ces accords vont être signés. On parle de quelque chose comme 200 000 tonnes de viande, bœuf et volaille comprises, qui vont être importées chez nous. Et je vais même vous dire une chose. Quand nous dénonçons les accords de libre-échange, nous ne le faisons pas en considérant simplement nos intérêts particuliers. Il y a des clauses de retrait, nous sommes soucieux, si il y a une déstabilisation du marché, vous le savez. Pris soucieux de l'état de l'économie et des marchés des pays avec lesquels nous commerçons. Et je vous alerte, j'attire votre attention sur le fait que au Mercosur, ce traité est contesté. Parce qu'on voit bien les effets de déséquilibre qu'il y a avec le fait que tout ça va hyper spécialiser leur économie sur l'agriculture pendant que nous allons leur envoyer les produits aux plus grandes valeurs ajoutées. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut arrêter ces accords. Le Brésil, c'est 239 pesticides qui viennent d'être réautorisés par M. Bolsonaro. Est-ce que ça veut dire que ce soit sur le CETA, qui est l'accord de libre-échange avec le Canada, qui va, vous avez raison, être ratifié normalement par le Parlement le 17 juillet prochain, ou le Mercosur, est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter, mettre un terme à ces accords de libre-échange ? On sait aussi que ça produit chez nous des emplois parce qu'il y a un certain nombre de produits industriels, des automobiles, des produits chimiques, etc., qui créent de l'emploi. Un emploi sur sept en France dépend de ces exportations. Qu'est-ce que vous en faites ? D'abord, Hélène Jouan, je crois que dans une situation où les scientifiques nous disent « vous avez 12 ans pour changer de modèle économique, sans quoi on va à des catastrophes irréversibles », on ne peut plus se poser la question en termes simplement de création de l'emploi pour la création de l'emploi. Je crois que le modèle de planification écologique... Attendez, je crois que le système de planification écologique que nous proposons, qui est en rupture avec les injonctions du marché, serait effectivement créateur d'activités et d'emplois. Mais je vous alerte sur le fait que, y compris ces traités de libre-échange, procèdent à des destructions d'emplois. Enfin, le CETA, c'est potentiellement 45 000 emplois, rien qu'en France, 200 000 en Europe, qui seraient détruits. Sur le Mercosur, et c'est la raison pour laquelle, et ils ont raison, les agriculteurs de ce pays se mobilisent, c'est quelque chose comme 33 000 emplois potentiellement qui vont être détruits. Sauf que le CETA aujourd'hui, il y a un certain nombre d'accords qui ont déjà été mis en route avant la ratification par le Parlement, et on est passé d'un excédent commercial de 50 à 450 millions d'euros en 2 ans. Ça veut dire que ça produit de la richesse, pour la France aussi. Hélène Jouan, je crois vraiment que s'il s'agit de produire quelques richesses, mais que c'est au prix d'une destruction d'emplois par ailleurs, et surtout de traités qui sont climaticides, car disons les choses, une bonne fois pour toutes, les Macron, les deux Rugy, qui vous racontent qu'ils se préoccupent d'écologie, mais qui dans le même temps poursuivre ce système du libre-échange, poursuivre le libéralisme, sont des inconséquents et des tartuffes. Et la manière dont ils procèdent nous emmène droit dans le mur. Il n'y a pas d'écologie possible dans le cadre du libéralisme exacerbé. Donc il n'y a pas d'écologie possible dans le cadre tout. Du libre-échange. Il n'y a plus d'accord tenable aujourd'hui. Nous proposons un protectionnisme solidaire. Ce que ça veut dire, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de protéger de manière chauvine son économie personnelle, c'est de voir qu'aujourd'hui, on doit mettre en cause, à l'aune de la crise climatique, les échanges, la manière dont ils se font, ce qu'on produit, ce qu'on consomme et comment on le distribue. Et que, par exemple, on peut se poser la question de savoir dans quelles conditions on commerce. Est-ce que, oui ou non, on accepte qu'arrivent chez nous des produits qui sont faits encore du travail des enfants, d'une forme d'esclavage? Est-ce qu'on accepte aussi cette injonction permanente à faire moins cher, qui surfe sur l'idée aussi que, comme il y a une précarisation de l'emploi et de moins en moins, finalement, de revenus distribués, des salaires qui sont maintenus à un bas niveau, les consommateurs sont à la quête de moins cher. Mais souvent, le moins cher, c'est aussi au prix de production détestable de manière environnementale ou sociale. Je crois vraiment que tout le monde devrait se rendre compte en moment que nous vivons. Qui plus est un moment où les conséquences du changement climatique viennent envahir notre quotidien. On l'a vu récemment avec les effets de la canicule. S'il vous plaît, une bonne fois pour toutes, prenez cette ultime alerte comme une opportunité. Oui, il faut changer de modèle économique. Il faut faire le deuil du capitalisme mondialisé et du libéralisme économique. Désolé pour ceux qui en sont amoureux, mais je crois que même vous, vous êtes concernés. Parce que même si nous ne sommes pas d'accord sur ce fait, quand demain, vous ou vos enfants auront à pâtir directement des conséquences du changement climatique, vous y réfléchirez à deux fois, mais il sera trop tard. Nous n'avons plus le temps en matière climatique des prises de conscience, de l'écologie des petits pas. Et d'ailleurs, je vous le dis pour terminer là-dessus, c'est que nos débats en matière d'écologie, avec toutes les formations, celles qui s'en réclament depuis très longtemps ou celles qui y sont converties depuis plus récemment, nous avons des débats de fond intéressants. Car tout le monde ne dit pas que l'écologie ne s'accommode pas du libéralisme économique. Moi, je vous le dis. Adrien Quatennens, député du Nord, est donc nouveau coordinateur de la France Insoumise et l'invité du Grand Rendez-vous, en vous nommant donc coordinateur de la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon a dit que votre fonction première, c'était tête à claque. C'est pour en prendre ou en donner ? Ah, je pense que c'est plutôt pour en prendre, en vérité. Non, mais si vous voulez, c'est comme tout. Je sais que la lecture médiatique qui a été faite de la situation, c'était voilà, ce que vous avez dit au début de l'émission, une position hiérarchique et tout. En réalité, nous ouvrons un nouveau chapitre, une nouvelle saison de l'histoire de ce jeune mouvement, la France Insoumise. Qu'est-ce qui va changer alors ? Alors, beaucoup de choses en vérité. Le mouvement La France Insoumise, par nature, il est évolutif. Il a d'abord été pensé, vous vous en souvenez, comme un cadre qui servait exclusivement à appuyer la candidature d'un candidat à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est plus le cas. Ça, c'était la première saison. Ensuite, il y a une deuxième saison qui a été la coélaboration d'un programme. Programme L'Avenir en Commun, autour duquel 7 millions de personnes, ce qui n'est pas rien tout de même, se sont regroupées. Raison pour laquelle, même si je ne veux pas minimiser notre score des élections européennes, ni le relativiser et prendre notre part d'explication à cette situation, d'abord j'observe que ce recul, il n'est pas français, il est européen, que notre courant de pensée politique recule partout en Europe, mais surtout, je le crois, compte tenu du contexte particulier de cette élection et de ce qu'elle est, intrinsèquement, eh bien, le score des européennes, de mon point de vue, n'annule pas notre résultat de la présidentielle. Mais maintenant, il y a beaucoup à faire parce que la France insoumise entre dans une nouvelle période, peut-être une période qui doit penser davantage le temps long. Et donc, nous avions quelques faiblesses d'organisation, c'est vrai, parce que nous sommes un mouvement, pas un parti. Nous sommes une forme souple qui peut s'adapter. Jean-Luc Mélenchon avait dit une fois, et c'était assez juste, que nous avions une forme gazeuse. Bon là, il va s'agir de considérer qu'on doit maintenir cette forme, parce que moi, je crois que la forme mouvement est plus adaptée aux objectifs que nous avons à poursuivre que la forme partisane, qui fait que parfois on se centre trop sur mais soi. Mais comment vous allez contenir notamment l'hémorragie ? Alors l'hémorragie, vous allez peut-être contester ce mot, mais il y a des insoumis historiques, j'ai envie de dire, qui sont partis, comme Charlotte Girard, qui a parlé quand même des dysfonctionnements démocratiques de votre parti. Comment vous allez, à partir de demain, je crois, dire à toutes ces personnes, revenez, parce qu'on a encore des choses à faire ensemble. Bon, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que moi, parmi celles et ceux qui partent, alors bon, j'entends qu'on parle beaucoup de celles et ceux qui partent, et ça, c'est pareil, je veux pas le minimiser, c'est toujours décevant quand quelqu'un s'en va, alors que je veux dire, il y a plus de tâches à accomplir que de femmes et d'hommes pour faire le boulot. Donc, quand il y a des départs, c'est toujours difficile. Mais moi, je veux surtout pouvoir. Il n'y a pas d'arrivée pour compenser. Alors, par justement. Alors, par ailleurs, soyez rassurés sur ce point. Je sais que ça vous passionnera toujours moins. J'en suis désolé, mais il y a beaucoup de monde qui arrive encore à la France Insoumise. À peu près 1000 personnes par mois. Alors, oui, ça va du clic, c'est-à-dire des gens qui s'inscrivent à une newsletter, jusqu'à un niveau d'implication maximale. Mais par exemple, en l'espace d'une semaine au lendemain de nos travaux du week-end du 22-23 juin, où il y a eu au lendemain un départ qui a été beaucoup commenté, dans la période où il y avait ce départ beaucoup commenté... Mais qu'est-ce que vous entendez attendez, ce départ? Laissez-moi terminer. Mais quand il y a eu un départ qui a été beaucoup commenté, dans la même période, sur le même nombre d'heures, vous aviez 100 personnes qui nous rejoignaient, dont la plupart créaient des groupes d'action ou s'impliquaient. Donc je comprends, y compris, que dans le récit médiatique... Non, c'est pas un récit médiatique, c'est que ces gens-là disent quelque chose de... Ce sont des gens qui ont été déçus de votre... Parmi eux, il y a beaucoup de militants qui font une critique constructive et qui nous disent effectivement le mouvement doit maintenant penser une organisation qui lui permette d'accomplir un certain nombre de tâches. Et ça, nous avons commencé à y répondre. Et si vous regardez en détail, mais je suis pas sûr que ça passionne vos auditeurs, le nouveau fonctionnement que nous avons proposé, qui est en cours de vote, et c'est transparent, c'est public sur la plateforme, nous allons véritablement procéder à une grosse refondation de l'organisation du mouvement, sans pour autant faire un parti politique. Après, il y a toutes celles et ceux qui avaient besoin de réponses organisationnelles, et je crois que même si nous n'avons pas tout réglé en un week-end, nous y avons largement contribué. Et puis il y a peut-être ceux aussi, je vais pas faire l'appréciation à ce micro de savoir lesquels, mais il y a ceux qui de toute façon, quoi que nous aurions annoncé, avaient prévu de s'en aller. Et c'est la vie des mouvements politiques aussi. Je veux entendre leur diagnostic, je veux lire leurs critiques, mais je veux pouvoir avancer. Moi, je ne considère pas que tout ce que nous avons fait depuis 2016 est à jeter à la poubelle, ou que le mouvement La France Insoumise n'a pas d'avenir, pour la raison que la France Insoumise, dans le paysage politique français, a une singularité. Ça n'est pas un parti politique de plus dans le paysage. C'est une force qui veut être directement au service de l'implication des citoyens, des citoyennes, par des méthodes d'action nouvelles. Et l'une de mes tâches... On va pas se mentir, le problème, est-ce que c'est pas Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui à la tête de la France Insoumise ? Franchement, ce serait tellement facile si on pouvait considérer que le problème se résumait à une personne. Non, franchement, Jean-Luc Mélenchon a plutôt été, et est plutôt, au sein de la France Insoumise, un point d'appui. Il a été celui qui a pensé l'objet, qui l'a créé, avec d'autres bien sûr, et il a été celui qui a porté notre programme, tout de même, aux portes du pouvoir. Alors après, vous savez, moi je veux pas éviter les sujets. Bien évidemment que la séquence des perquisitions a fait du mal. Mais d'abord, c'est une attaque que nous avons subie. C'est un piège qui nous a été tendu. Dans lequel il est tombé, du coup. Et d'ailleurs, mais oui, mais Hélène Jouan, regardez ce qui s'est produit. C'est que, en réalité, sur la base de dénonciations et de faits, qui d'ailleurs sont quasiment vides de sens, et moi j'attends avec impatience de voir comment la justice va traiter le fond de l'affaire. Le 19 septembre, ça sera c'est pas le fond de l'affaire. C'est sur l'attitude de Jean-Luc Mélenchon et des siens. Il y a trois fois rien. Et observez comme partout, et c'est pas valable uniquement en France. Et d'ailleurs, le pape François l'a dit. Oui, le pape François. que partout dans le monde, quand vous avez des oppositions politiques qui prétendent bousculer le système, qui sont en passe d'y arriver, vous avez une judiciarisation de la vie politique. Elle se vérifie. N'oubliez jamais que on vient de parler de Bolsonaro au Brésil, ce président d'extrême droite qui vient de réautoriser par exemple 239 pesticides. Il y en a un qui croupit en prison qui s'appelle Lula, qui pourrait être et qui devrait être à cette heure donc le président François, de la République. Nouvelle égérie de la non, France mais Insoumise. En tout cas, ce qu'il y a de clair, c'est que on doit bien voir que nous sommes dans un moment particulièrement autoritaire. Si on regarde ce qui s'est passé sur la répression du mouvement des Gilets jaunes, si on regarde ce qui se passe avec ces jeunes mobilisés pour le climat pacifiquement sur un pont qui se font gazer à bout portant, si on regarde la chasse aux sorcières qu'il y a dans la mobilisation syndicale, ou si on apprécie là, on vraiment le de deux poids, deux mesures, oui, mais le deux, oui, mais de tout la ça façon est... dont il avait oui, mais mal Hélène, réagi. Vous supportez que vous avez un interlocuteur qui, quelle que soit la question que vous lui poserez, va politiser la question. Mmh. Voilà. Et moi, je veux vous dire qu'en réalité, tout ça est très politique. Et que nous subissons en particulier des attaques. Et c'est bien normal. Parce qu'à 20%, à une élection présidentielle, au cœur de l'Europe, dans un pays capitaliste, il y en a une paire qui ont eu la trouille. Voilà ce que moi, je veux dire. Et ce combat, pour autant, il reste juste. Moi, je crois que, compte tenu du diagnostic que nous faisons depuis le début de cette émission, en matière sociale ou en matière environnementale, la radicalité est désormais raisonnable. Adrien voilà Quatelin, ce que je veux vous dire. Vous parlez beaucoup de vous, de la France insoumise, mais il y a aussi votre... C'est vous qui me posez beaucoup de questions vous sur nous. Vous avez aussi votre rapport aux autres. On sent plein de fourmillements en ce moment pour essayer un rassemblement à gauche. Il y avait le festival des idées hier d'un ancien frondeur socialiste, le Big Bang de Clémentine Autain de la France insoumise. Ils essayent de rassembler. Et vous, comment vous vous positionnez par rapport à tout ça? Il y a Jean-Luc Mélenchon, en avril, avait tenté de lancer un appel pour une fédération de la gauche et c'est resté lettre fédération morte. Fédération populaire. Oui. Alors, je comprends que tout ça, à vos yeux, puisse être de la simple rhétorique, mais moi, je ne méprise pas, y compris ces débats stratégiques. Je veux dire, j'ai regardé un peu les travaux du Festival des idées oui. hier, etc. Bon, je ne trouve pas ça inintéressant. Maintenant, moi, j'ai mon diagnostic sur la situation. Je réfléchis à la lumière de notamment ce qui vient de se passer lors des élections européennes et de la situation politique globale. On voit un paysage se dessiner en Europe qui profite d'une part à l'extrême droite et au tenant d'un libéralisme dont on a beaucoup dit depuis tout à l'heure qu'il ne prenait pas en charge, en tout cas de D'où mon point de vue, de la question sociale et gauche. Oui, mais moi je considère que le principal problème, la principale difficulté que nous ayons, c'est le fait qu'une large part de la population maintenant fasse durablement, sans doute, la grève des urnes. Je crois que on ne pourra pas solutionner le problème sans nous employer à trouver la clé. Et moi, je crois que la clé, c'est le peuple lui-même, et notamment celui qui est éloigné de la vie politique. Et je vous le dis, je crois que celles et ceux... Il ne faut pas tenter, ça ne sert à rien de rassembler les forces. Mais je suis sûr d'une chose, en tout cas. L'acte 1 ne peut pas être un rassemblement de partis ou d'organisations. Parce que celles et ceux qui sont durablement éloignés de la vie politique, croyez-moi, il suffit d'un porte-à-porte oui, pour vous en exemple, convaincre. Mais par exemple, l'élection Attendez. Qui compte. Non mais Cécile Cornudet, oui. c'est important ce que je vous dis là. Partout, les militants politiques qui m'écoutent savent ce qu'est la réaction des gens éloignés de la vie politique quand vous faites du porte-à-porte. Ils vous disent tout ce que vous me racontez est très bien, mais regardez les problèmes que j'ai. Moi, je m'en fiche de vos histoires internes ou de vos affaires. C'est-à-dire que on ne parle pas au pays en parlant des partis. On ne parle pas aux abstentionnistes, même s'ils sont convaincus de la nécessité de plus de justice sociale, en parlant de la gauche, par exemple. Je crois véritablement que l'acte 1, c'est et c'est ce que veut faire la France insoumise, c'est être un outil qui permette aux gens de se réimpliquer. Moi, je voudrais que maintenant, partout, nous puissions aller dire aux gens... Ne nous confiez pas simplement vos suffrages, venez faire avec nous. Mais ça, venez vous impliquer. Vous avez essayé de le faire dans un premier temps, c'est-à-dire s'appuyer sur le mouvement social. Ça a été votre stratégie au moment de la réforme même. Du Code du travail. Ça n'a pas marché. Hélène Jouan, c'est plus que ce que je suis en train de vous dire, c'est même plus que le mouvement social traditionnel, c'est même plus que tout ça. Comment faisons-nous pour faire en sorte que le 1 sur 2 qui ne va plus voter et qui estime que ça n'a plus aucune utilité y revienne? Et très clairement, je vous le dis, ça n'est pas en appelant à quelques rassemblements que ce soit qu'ils vont sortir de chez eux, lever d'enthousiasme pour venir voter. Peut-être s'il y a un candidat à la présidentielle de gauche, unique, mais c'est ça, quand ça même peut le être, but de ça tous peut ces être, mouvements. Ça peut être une seconde étape. Moi, je crois que d'abord, il faut créer les conditions de l'implication du grand nombre et après que toutes les forces qui le souhaitent puissent venir appuyer cette fédération populaire en quelque sorte. Mais comprenez que dans une situation où un sur deux fait la grève des urnes, on peut pas régler ces problèmes en étant dans un conciliabule des gauches ou entre nous dans une salle obscure pour décider de où on met la virgule dans un texte. Je ne méprise pas ces débats, ils ont le mérite d'exister, mais je crois que ce que doit faire la France insoumise dans la période, c'est véritablement aller directement dans les quartiers et dire aux gens, venez faire avec nous. Arrêtez de considérer que la politique est le domaine réservé de quelques-uns qui sont des spécialistes, vous pouvez en faire. Et je vais vous dire très humblement, je veux participer à ça moi-même. Parce que quand on m'invite dans les collèges et les lycées, pour parler du rôle du parlementaire, tout de suite, il y a 1000 fantasmes sur comment on devient député à 29 ans. Et moi, je leur dis aux plus jeunes qui m'écoutent, vous savez, il y a 2 ans, j'étais conseiller clientèle sur un plateau téléphonique, je n'ai qu'un BTS en poche, je n'ai pas fait l'ENA, je n'ai pas fait Sciences Po, et aujourd'hui, je suis parlementaire pour un temps. C'est-à-dire, preuve s'il en fallait une, que si l'on s'implique, on peut le faire, on peut y arriver. Et je crois que c'est la clé du moment. La loi est d'autant plus consentie que tout le monde la vote. Or aujourd'hui, 1 sur 2 ne participe plus. C'est le cœur du problème. Pour moi, la solution, c'est l'implication du peuple lui-même, d'abord et avant toute autre considération. Quatennens, député du Nord, coordinateur de la France Insoumise et l'invité du Grand Rendez-vous, une question de Damien Fleurot. Oui, Adrien Quatennens, prochaine échéance électorale, les municipales en mars prochain, serez-vous candidat à la mairie de Lille ? Alors, ma décision est à cette heure prise, mais je me réserve encore quelques semaines, sans doute à la rentrée, pour vous l'annoncer, puisque nous avons un calendrier pour interne de la France Insoumise. Pour quelle raison que ne pas le dire aujourd'hui, avant l'été ? Je tiens à respecter ce calendrier, y compris à faire en sorte que les militants de la France Insoumise soient les premiers à connaître mon point de vue. Voilà, mais j'ai réfléchi, ma décision est prise et je l'annoncerai sans doute à la rentrée. Donc c'est non. mais vous en tirez les conclusions que vous voulez. Moi, je peux tout à fait décider de vous répondre et de dire ce que je ferai et ce que j'ai l'intention de faire à la rentrée. Quelle sera plus globalement la stratégie de la France insoumise? Avec quels alliés éventuellement faire campagne pour essayer de gagner des élus, voire des mairies? Alors d'abord, si on est en accord avec ce qu'on s'est dit juste avant la pause sur la stratégie globale et le moment, je crois que précisément l'échéance municipale peut être pour nous l'occasion de déployer ces nouvelles méthodes dans le pays et de faire en sorte que véritablement on appelle les gens dans les villes, dans leurs communes, à venir avec nous au conseil municipal. C'est-à-dire ne plus arriver vers eux en disant « votez pour nous parce que nous sommes les meilleurs et que nous allons respecter notre programme », ce que tout le monde leur fait à peu près, mais leur dire « vous qu'êtes ». Je prends beaucoup de guillemets, hein. Sans qualité particulière, pas chef d'une association, pas vous qu'êtes, monsieur, madame, tout le monde, qui connaît les problèmes du quotidien, à vous seul, sur une liste, vous représentez beaucoup de monde. Et donc bien, c'est vous qui allez soutenir vos électeurs. Eh bien, réalité. Nous aimerions en fait faire en sorte que le premier rôle des militants de la France insoumise, c'est de faire en sorte que les habitants, les citoyennes, les citoyens des quartiers s'impliquent directement. Et donc, de ce point de vue, la construction des listes doit faire partie finalement de la campagne elle-même. Et sur les méthodes, il y a à 7h et au cœur de l'été, beaucoup d'insoumis qui sont sur le terrain pour faire des enquêtes de conscientisation, c'est-à-dire des méthodes, y compris de porte-à-porte, qui consistent non plus à venir vers les gens en disant « voilà comment il faut penser », mais par exemple à se donner pour objectif de ne jamais parler davantage que l'interlocuteur qui vous ouvre sa porte, et d'entendre les problèmes du quotidien, et de leur proposer de les rencontrer, pour les régler sans attendre même les élections. Vous voyez, dans toutes ces barres d'immeubles où souvent les bailleurs sont défaillants, c'est des problèmes récurrents que l'on voit, eh bien vous avez des habitants qui s'organisent et qui créent les conditions d'un rapport de force pour obtenir des réponses. Eh bien, c'est à nous de faciliter cela. Et ensuite, on va découvrir, au fur et à mesure, ces talents. Et moi, je forme le vœu que partout où ces mobilisations citoyennes sont réalisées, partout où l'implication citoyenne se fait, quand ce sera solide, alors le moment sera venu, pourquoi pas, de proposer aux organisations politiques, syndicales, associatives, de venir appuyer ces constructions politiques. Voilà la stratégie qui devrait être la nôtre, et je crois qu'on doit pousser à fond le curseur de la démocratie au sein des municipalités, et que par exemple, on pourrait imaginer qu'on simule, avant même le scrutin, les méthodes de délibération qui seront les nôtres demain au conseil municipal. Vous savez, nous avons pendant la campagne législative déployé partout ces ateliers des lois de coélaboration de la loi avec les citoyens. Eh bien, on devrait pouvoir demain déployer dans tout le pays des ateliers de coélaboration des délibérations du conseil municipal et dire aux gens, eh bien voilà, si vous votez avec nous dans quelques semaines, eh bien, c'est ainsi que ça va se passer. D'ailleurs, les délibérations que nous construisons ensemble seront les premières qu'on fera voter. Je crois vraiment que les gens sont prêts à se mobiliser, quelle que soit leur position sociale aussi, à travers cette question centrale, qui décide et pourquoi faire? Et ça fait le lien d'ailleurs avec beaucoup de sujets. La question des mobilisations, notamment pour des référendums, c'est ce cœur de l'affaire. C'est les gens sont prêts à se mobiliser pour décider par eux-mêmes. Alors en attendant, on va avoir le projet de loi bioéthique qui va arriver au Parlement en septembre, avec notamment l'extension de la PMA à toutes les femmes. Est-ce que vous serez en soutien de ce texte? Évidemment, même si nous allons tenter de faire en sorte qu'il soit amélioré, je pense qu'il faut une absolue vigilance sur la question du remboursement. Il faut également être vigilant sur la question de la filiation, parce qu'on connaît toute la difficulté que pose ce statut de mère sociale, qui fait quelque part que la reconnaissance de la filiation quand l'enfant est issu d'une PMA, notamment avec des parents homosexuels, eh bien ça pose un tas de problèmes. C'est un parcours du combattant. Je crois que la loi va dans le bon sens. Elle était franchement très attendue, parce que depuis le temps, et je crois aussi que les discriminations qu'il y a, l'exacerbation des discriminations sur les personnes LGBTI dans notre pays, sont notamment le fait d'un recul permanent de décisions politiques qui franchement sont attendues depuis maintenant longtemps. Donc ça va dans le bon sens, mais on va aussi faire notre travail de parlementaire et tenter d'améliorer la loi sur certains angles morts qui sont pas pleinement satisfaisants. Adrien Quatennens, un sujet dans l'actualité, la réforme des lycées de Jean-Michel Blanquer, avec ce mouvement de certains professeurs sur les copies du bac, des résultats ont été retenus. Il y a des recours de familles contre ces résultats provisoires, vous les soutenez. Est-ce que vous comprenez aussi ce chantage au bac fait par ces professeurs? Bon, ce que vous appelez un chantage, moi je l'appelle un rapport de force en désespoir de cause, parce que le ministre qui Blanquer... Qui se fait au détriment des élèves. Oui, et des familles. Mais dans le but de faire en sorte que les élèves ne subissent pas les conséquences demain et que les jeunes ne subissent pas les conséquences d'un bac à géométrie variable. Moi je veux le dire, je crois que Jean-Michel Blanquer va sûrement payer cher politiquement ce qui vient de se passer. Hein. Ça va passer parce que là il y a l'été, mais la situation est scandaleuse. Parce que, y compris dans ce rapport de force qui a été instauré par les professeurs grévistes, parce que le ministre qui prétend sans cesse avoir sa porte ouverte n'a jamais voulu entendre raison, malgré les multiples oppositions. Je veux dire, des syndicats qui se sont prononcés dans des instances de l'éducation nationale. Il a fait évoluer sa loi, quand oui, même. Mais en l'occurrence, cette réforme, cette contre-réforme du bac n'est même pas passée par la case Assemblée nationale. Personne ne l'a discutée. C'est la réforme d'un homme seul qui prétend à lui seul, Monsieur Blanquer, être l'éducation nationale à lui tout seul. Ben non, ça marche pas comme ça. Et quand on voit que, parce qu'il y a eu ce rapport de force, et bravo aux professeurs qui se sont mobilisés, malgré le fait que c'est une mobilisation inédite, malgré les difficultés, effectivement, que ça suppose pour les élèves qui attendaient leurs notes. Mais je crois que beaucoup, y compris d'organisations lycéennes, ont salué cette mobilisation parce que le vrai danger, ça n'est pas un retard dans l'annonce des notes du baccalauréat. Le vrai danger, c'est la destruction du cadre républicain et d'un bac qui soit le même partout. Donc, on risque soutien d'avoir total un bac, aux profs mais oui, parce qui ont empêché d'avoir réforme, les résultats parce que cette réforme du définitif bac, du bac. Mais pas simplement parce que la méthode est la bonne. Eux-mêmes, je veux dire, je les ai rencontrés, ça leur déchire le cœur d'avoir à faire en sorte que les notes soient annoncées plus tard à leurs élèves. Je veux dire, ce sont leurs élèves. Et en général, en plus, ces correcteurs, on leur demande d'évaluer objectivement le travail des élèves. Or là, qu'a fait Monsieur Blanquer? Et c'est ça qu'il va falloir creuser. Et croyez-moi, nous allons suivre ça de très près. C'est que les témoignages affluent dans plein de jurys. D'ailleurs, nous avons fait un site internet pour ça qui s'appelle, bon, c'est un peu drôle, vous allez voir, c'est Comment est votre Blanquer, en référence à un film bien connu, mais des témoignages affluent de partout dans le pays, et ça, pour le coup, ça n'est pas drôle, de professeurs qui expliquent comment se sont passées les délibérations dans les jurys. Et très franchement, les témoignages montrent que les notes ont été bricolées simplement pour que l'objectif d'affichage à l'heure prévue soit efficace. Eh bien, je vous le dis, je crois que c'est très grave. Je crois qu'il y a une mise en cause du cadre républicain et notamment de l'égalité dans cette réforme du bac et dans les méthodes qu'a employé Jean-Michel Blanquer, et que cette affaire sera suivie de près par la France insoumise, et que nous ne supportons pas l'idée qu'il y ait une chasse aux sorcières qui s'opère, parce que là, pour le coup, si elle devait s'opérer, c'est plutôt dans les consignes qui ont été données au sein du ministère. Dernière question, Adrien Quatennens, vous avez 29 ans, vous avez dit tout à l'heure, parlementaire pour un temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne vous imaginez pas faire de la politique à vie, comme certains de vos modèles, comme Jean-Luc Mélenchon? Je pense que je serai engagé en politique durablement, et qu'en général, quand l'engagement est aussi viscéral et surtout que la situation est tellement urgente, tant que le nœud ne sera pas défait, je pense que votre engagement se poursuit. Maintenant, les formes de l'engagement dans la vie évoluent. Moi, très franchement, vous m'auriez interrogé il y a 3 ans, sur le fait de savoir si j'aurais candidaté à une élection, parce que ça s'est décidé tardivement. Et qui plus est, si j'avais été parlementaire, franchement, je vous aurais répondu, je ne sais pas. Donc, dire ce que je ferai dans 5-10 ans, je ne sais pas. Maintenant, Chroniqueur TV. Mais pourquoi pas? Moi, je réfléchis, Hélène Jouan, en termes d'utilité à chaque période. Pour ce qui est de Sophia Chikirou, je vais pas éviter votre question, même si elle vient à la fin de l'émission. D'abord, dire que Sophia Chikirou n'est pas embauchée par la chaîne concurrente qui va la recevoir une fois par semaine. Mais moi, je juge que elle a quelque chose à apporter et que c'est très positif qu'elle aille débattre face à Alain Duhamel une fois par semaine. Et que, enfin, peut-être, dans certaines chaînes d'information sur lesquelles on peut parfois se dire qu'il y a en termes d'ambiance éditoriale, une forme d'homogénéisation qui n'est pas toujours la bonne, et ben il y aura un peu de diversité. De la même manière que quand vous m'invitez régulièrement sur votre plateau, ben ça me permet de vous donner mes arguments, même si il est connu que je suis pas particulièrement un grand fan de Monsieur Lagardère, mais il me fait l'honneur de me recevoir malgré tout. Merci Adrien Quatennens de votre venue donc au grand rendez-vous. Merci à vous. Maintenant, je vous propose une petite revue de presse. EPR de Flamanville. En 2007, le chantier devait durer 5 ans pour un coût de 3,3 milliards d'euros. Il devrait finalement durer 15 ans pour une facture estimée à 11 milliards. 3,3 milliards, 11 milliards. Quand on consomme plus de taxes que de carburant, ce n'est pas la voiture qu'il faut changer. Mais le gouvernement. Alors, Vosges Matin. Vosges Matin du dimanche 2 juin 2019. Juan Carlos, symbole national à la retraite. Ah, quel symbole national, Juan Carlos. Oh là là, comme il est beau sur cette photo. Il figure sur une photo, le futur roi Juan Carlos, au second plan sur le cliché, avec le général Franco, lors d'une parade militaire à Madrid en juin 1971. Franco, vous vous rappelez de Franco? Quelle belle saloperie celui-là quand même, hein? Ah, Franco, un dictateur. Eh oui, puis il a fait des émules. Il y en a qui sont devenus ses disciples. Artisan de la transition démocratique de l'Espagne, l'ancien monarque à la popularité écornée par les scandales se retire de la vie publique ce dimanche, 5 ans après son abdication. Voilà. Eh ben, ma foi, adios, compagnon. Certains pansements moins chers. Comme chaque 1er juin, une série de tarifs ont été revus à la baisse. Comme à la hausse. Voilà. Alors, il y aura des pansements qui seront un peu moins chers. Eh ben, voilà des bonnes nouvelles quand même. Hein? Il n'y en a pas beaucoup des bonnes nouvelles. Alors, quand par hasard il y en a une, eh ben, faut pas oublier de la citer. Hommage. Le philosophe Michel Serres s'est éteint. Intellectuel influent et figure familière du grand public, le philosophe Michel Serres est décédé samedi à l'âge de 88 ans. Il laisse un héritage de plus de 80 ouvrages. 80 ouvrages. Alors, tous les auditeurs de RGM le connaissent, parce que j'ai souvent repiqué des reportages, des émissions faites avec Michel Serres, à la radio, à la télé, sur Internet, etc. Et je les ai passés à l'antenne. Hein. Donc, Michel Serres, ceux qui prétendent être de bons auditeurs de RGM et qui prétendent en même temps ne pas connaître Michel Serres, on sait que c'est pas des auditeurs tellement attentifs. Hein. Oh. Nouvelle pendaison au centre pénitentiaire de Nancy. Un détenu d'une trentaine d'années s'est pendu dans sa cellule ce samedi après-midi à la prison de Nancy. C'est le troisième suicide dans l'espace d'un mois dans cet établissement pénitentiaire qui est touché par une véritable série noire. Ouais, cherchez les causes. Faut toujours chercher les causes. Quand il y a un crime, un suicide, une mort violente quelque part, il faut chercher les causes, mais les véritables causes. Hein, il faut faire une enquête détaillée, approfondie, et agir sur les causes de manière à ce que, si possible, les choses aillent en s'améliorant. Ce samedi, la jurassienne Caroline Moirot boucle un tour du monde à vélo, en bateau et surtout à pied, engagé au 1er juin 2011. 30 pays et des milliers de rencontres plus tard, elle pose enfin son sac. Voilà, donc Caroline rentre à la maison 8 ans après. Eh bien, moi je l'envie, hein, parce que elle a fait provision de souvenirs qui vont lui tenir compagnie jusqu'à la fin de ses jours. Hein. Ça, c'est quelque chose de merveilleux, faire le tour du monde en vélo. Hein. Eh oui, j'ai déjà lu des passages d'un livre d'un gars de Fraisse qui avait fait aussi un tour du monde en 2 ans, comme ça. Hein. Eh oui. Oh, ben, on arrive à les jalouser un peu, les gens qui ont le courage de faire ça. Eh oui. Mobilité bancaire, le mode d'emploi. Que ce soit pour faire jouer la concurrence ou profiter d'une renégociation de crédit, vous pouvez être tenté de changer d'établissement bancaire. Comment vous y prendre? Quelles sont les démarches à accomplir? On répond à vos questions. Alors là, il y a toute une page d'explication. Et puis en bas, enfin toute une page, une bonne demi-page, parce qu'en dessous, il y a la bourse. La bourse. Alors, Accor, Valais, c'était le 1er juin. Hein, au début de ce mois, du mois dernier, plus exactement, Accor, par exemple, valait 33,04 € l'action, en baisse de 2,68% et en baisse de 10,97 par rapport au 31,12. Alors Air France, KLM, les actions valent 7,736 €. Elles ont baissé de 18,40% depuis le début de l'année. Air Liquide, 111,5 € en hausse de 2,81%. Airbus Group, en hausse de 36%. ALD, je ne sais pas ce que c'est, 30,96%. Alstom, en hausse de 15,91%, etc. Alors Carrefour, par exemple, plus 12,94%. Voilà, alors si vous avez du fric et que vous avez le goût du risque et que vous aimez le capitalisme, qui pourtant ne nous fait pas beaucoup de cadeaux, il fait des cadeaux aux actionnaires, mais pas aux salariés, ni aux clients, ni aux fournisseurs, on ne peut pas faire des cadeaux à tout le monde, il faut choisir quand même. Voilà, enfin bon, M. Macron, il favorise ces gens qui favorisent les riches, eh oui. Gilets jaunes, l'acte 29 contre les violences policières. Ce samedi, les Gilets jaunes se préparent à un acte 29 placé sous le signe de la protestation contre les violences policières qui ont émaillé le mouvement des Gilets jaunes. Cela fait suite à l'annonce jeudi soir du procureur de Paris, Rémy Heitz, qui a affirmé que certains des policiers mis en cause pour des violences lors de la manifestation des Gilets jaunes seront renvoyés devant la justice. Ça vous fait pas un peu mal qu'on renvoie des policiers devant la justice? Il y a quand même un problème là. Hein. Faudrait que les policiers prennent l'habitude de désobéir aux ordres lorsqu'ils sont illégaux, hein, lorsqu'ils sont immoraux. Hein. Ben oui, il y a eu des policiers français qui ont désobéi aux ordres de Pétain, à la Gestapo, à la police allemande. Eh oui. Qui sont allés prévenir des juifs, par exemple, qu'ils risquaient d'être raflés le lendemain matin vers 5 heures, qu'il fallait donc qu'ils déguerpissent de leur logement avant. Hein, voilà, ils ont sauvé des gens. Et bon, c'est vrai que les policiers, c'est comme les autres citoyens, c'est pas tous des gens, franchement citoyens, quoi. Hein. Voilà. Des arrêtés interdisant toute manifestation ont été pris à Lyon ou Dijon, mais des manifestations sont prévues à Paris, Rouen, Lille, Marseille. L'acte 28 samedi dernier a vu la mobilisation la plus faible du mouvement. Oui, mais bien sûr, ça baisse, bien sûr. Ça va peut-être changer de forme aussi. Si ce genre d'action n'est pas suffisamment efficace, il est possible que les Gilets jaunes changent de tactique. Eh ben oui, parce que leurs problèmes sont restés entiers. Ça fait 10 mois qu'ils se battent pour obtenir des résultats, et n'obtenant pas de résultats, ils comprennent de plus en plus qu'on se paye leur tête de pire en pire, et forcément, ils vont changer de méthode, c'est sûr. Ça. Ben oui, bon, ils sont le dos au mur, ils peuvent pas reculer. Hein. Voilà. Alors ça, c'était jeudi 1er juin 2019. Alors sur la même page, Macron se refait une constitution. Une république plus verte, une démocratie plus participative, des députés élus à la proportionnelle, c'est la révision confirmée vendredi et programmée d'ici à l'été. Bon, ben on verra. On verra. Des promesses comme ça, il y a des promesses qu'on peut qualifier de promesses d'ivrogne. Hein. Si tu me promets que tu me raccompagneras jusqu'à chez toi, je te promets que je te raccompagnerai jusqu'à tu me raccompagnes jusqu'à chez moi, je te promets que je te raccompagnerai jusqu'à chez toi. Hein, voilà. Hein. Ça, c'est les promesses d'ivrogne. D'ivrogne électorale. Voilà. Électoraux. On n'est plus dans la vérité des coûts. La hausse du tarif de l'électricité est-elle compréhensible pour le consommateur? Elle est très difficilement compréhensible. Sur les 6%, il n'y a que la moitié qui est une augmentation des coûts d'EDF. L'autre moitié est due à un problème d'une complexité inouïe d'accès au nucléaire pour les opérateurs alternatifs. C'est une ponction importante sur le pouvoir d'achat, notamment pour les gens qui sont au chauffage électrique. Avec l'UFC Que Choisir, nous allons saisir le Conseil d'État pour faire annuler cette hausse injuste et illégale. L'Avril nucléaire, 3 associations et 101 habitants attaquent en justice. Le permis de construire de la blanchisserie de linge très faiblement radioactif, je dirais peut-être faiblement radioactif parce que le trait est peut-être de trop, hein, qui sait, très faiblement radioactif. Ah bon, c'est écrit comme ça dans le journal. Et si c'est écrit dans le journal, hein? Bon, près de Joinville fait l'objet d'un recours en référé. Pour les opposants, les conséquences environnementales des rejets dans la Marne et dans l'atmosphère ont été minimisées. Tiens, qu'est-ce que je disais? Minimisées. Colis piégé à Lyon, le suspect avoue son allégeance à Daesh. Alors, une question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que les gens de Daesh, les terroristes islamistes, n'en s'en prennent jamais aux riches? Jamais, hein? Jamais. Vous avez remarqué? Ah, ils s'en prennent au peuple, aux gens normaux, ordinaires, comme vous et moi, mais jamais aux riches. Tiens, pourtant, s'ils faisaient ça, peut-être qu'ils se rendraient populaires. C'est étonnant. Leur tactique est bizarre, quand même. Hein? Voilà. Et par qui sont-ils manipulés? Comment? Bon, voilà. On vend des armes aussi, hein, à certains pays, donc voilà. Gilets jaunes, un quatrième acte régional dans la Cité des Images. C'était le 31 mai 2019. Ensuite, encore un mauvais coup pour Macron. Europe, Parlement de Strasbourg, la stratégie d'Emmanuel Macron de mettre en place un parrain d'En Marche au Parlement de Strasbourg, qui devienne le groupe central et incontournable, se complique jour après jour. Après les bourdes de Nathalie Loiseau, contrainte de céder la présidence à un élu roumain, voilà le groupe centriste libéral, ALDE, rebaptisé Renew Europe, embarrassé par sa composante espagnole Ciudadanos. À Madrid, ce parti a pactisé samedi avec les conservateurs et avec le parti d'extrême droite Vox. Ah, tiens, en Espagne, on renouerait avec le franquisme, tiens. Oh, moi je croyais que tous les Espagnols étaient républicains. Je croyais. Hein? Ah oui, on croit des choses. Et puis on s'aperçoit que quand on met le nez dans le caca du chat, on s'aperçoit que ça sent mauvais. Ben oui. Un Américain assassiné à Bar-le-Duc, les habitants de la voie romaine, dont les habitations donnent en face du pont, étaient réveillés par plusieurs coups de feu, puis par le bruit de la chute d'un corps dans l'eau. Après avoir tiré plusieurs balles sur un soldat américain, qui fut vraisemblablement tué sur le coup, ses agresseurs traînèrent son cadavre jusque sur la berge, puis le jetèrent dans le canal. Ces faits avaient duré à peine un quart d'heure. Quelle est la cause de cet homicide? Quels en sont les auteurs? Le cadavre a été transporté à l'hôpital. Alors ça, c'était le 23 juin 1919. Ah oui, pas 2019. 1919. Et c'était après la fin de la Première Guerre mondiale. Vol de fleurs au cimetière, à Fraise, mademoiselle Suzanne Famy, sans entretenir une tombe d'un brave mort pour la France. Elle avait orné, il y a peu de temps, cette tombe de fleurs et de verdure. À sa visite, elle s'aperçut qu'on avait enlevé la plupart des plantes qu'elle y avait déposées et reconnut, en parcourant le cimetière, que ces fleurs avaient été replantées sur la tombe d'une famille appartenant à une nommée Marie G. Elle a porté plainte pour ce fait à la gendarmerie. C'est un vol d'importance minime peut-être, mais qui, en raison des circonstances, mérite une sanction exemplaire. Alors, sur la même page, toujours en 1919, arrestation de directeur de mine à Longwy. Autre chose, on change d'époque, que longtemps, le journal de 20h a réuni toute la famille. Patrick Poivre d'Arvor, ah oui, on écoutait, on regardait Patrick Poivre d'Arvor. Et certains même disaient qu'on subissait. Hein. C'était pas le pire, mais voilà quoi. Une télévision comme ça, ça serait bien qu'il n'y en ait plus. Ça serait bien qu'il y ait une vraie télévision, quoi, avec des vraies informations, où on ne raconte pas des bobards. Là, ça fait une semaine qu'on nous parle que de la canicule. Eh ben oui, la canicule, c'est important, mais faut pas faire tout un journal là-dessus quand même. Alors, les tirailleurs d'Épinal rencontrent les collégiens. Dans la cour, les tirailleurs s'apprêtent à recevoir les collégiens pour faire des démonstrations de matériel. Alors, j'espère qu'on n'a pas prêté des fusils mitrailleurs aux gamins pour les faire tirer sous le préau quand même. Les maternelles, tous candidats sapeurs-pompiers. Ben voilà, c'est bien, les enfants, on leur fait voir un peu ce qu'est la société en dehors de l'école. Avec ce que ça comporte de positif et de négatif, bien entendu. Le service des urgences, le cœur du centre hospitalier à Remiremont. Dimanche 23 juin 2019, l'hôpital de Remiremont voit entrer en son sein près de 18 000 patients chaque année au service des urgences. Un pôle capital dans l'offre de soins de proximité. Mais depuis plusieurs mois, le personnel dénonce une dégradation des conditions d'exercice. Depuis plusieurs mois. J'ai entendu quelqu'un à côté de moi qui disait depuis de nombreux mois. Bon. Verlaine, chanson d'automne. Les sanglots longs des violons de l'automne verse mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême quand sonne l'heure. Yeah. Je me souviens des jours anciens. Je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à la feuille morte. Les sanglots longs des violons de l'automne blesse mon cœur d'une langueur monotone. Les organismes OGM, plus il y en a, plus il y en aura. Parce que c'est une incitation à l'utilisation massive de pesticides et de produits qui détruisent les autres plantes. C'est donc une espèce de spirale infernale. Et Monsanto a parfaitement compris ça, puisque c'est lui qui produit à la fois les OGM et les produits qu'on déverse sur les cultures OGM pour exterminer toutes les autres. Aujourd'hui, Monsanto est une entreprise qui a été rachetée par une entreprise européenne, Bayer. Par conséquent, on est fondé à demander aux entreprises européennes d'appliquer les protocoles que l'Europe signe, et notamment Bayer. À supposer que Bayer survive à l'achat aventureux qu'elle a fait de Monsanto, puisque Monsanto est maintenant condamné dans plusieurs procès à propos justement de l'usage du Roundup et de produits de cette nature qui sont des pesticides d'une gravité extrême. Pour ma part, inutile de vous dire que je souhaite la faillite de Bayern pour plein de raisons historiques et aussi pour son irresponsabilité, parce que j'estime que plus grande est une entreprise, plus grand est son rayonnement dans le monde, comme pour chacun d'entre nous, plus grande est sa responsabilité, et elle ne l'a pas manifestée jusqu'à présent. Les OGM de cette nature ne se contentent pas d'attirer de plus en plus l'usage des pesticides, c'est qu'elle extermine tout le reste, et notamment pas les autres plantes, mais la biodiversité. Et donc on se réjouit toujours sottement du fait que, eh ben ma foi, les cultures sont là, il y a moins de travail manuel, il y a moins d'efforts à faire, et donc tout va bien. Non, c'est qu'au passage, tout le reste est mort, y compris la biodiversité animale, hein, et les premiers pas de la chaîne alimentaire qui vont aller jusqu'aux oiseaux et ainsi de suite, raison pour laquelle il y a un rapport direct entre l'utilisation des pesticides et la disparition des oiseaux. Les deux sont liés par le fait que c'est leur alimentation qui a disparu au passage, il faut le rappeler. Alors, j'ai souvent entendu des gens me dire « Ah, mais vous êtes archaïque, alors c'est curieux pour un homme comme moi, de ma tradition de l'humanisme des Lumières, parce que on a toujours modifié les cultures. » Eh bien, peut-être bien, mais justement, regardons ce qui s'est passé. On a modifié les cultures, mais dans le temps long, si bien qu'on a pu vérifier les effets de ces modifications. Tant et si bien que les êtres humains ou se sont adaptés ou ont disparu, il faut quand même le rappeler. Tout le monde ne s'est pas tiré indemne de ces modifications des cultures. D'ailleurs, quand on fait les cartes de migration des populations depuis les âges profonds sur la population globale de l'Europe, on s'aperçoit qu'il y a des maladies dans un certain nombre de pays qui sont directement liées à la consommation de certains produits qui n'ont jamais été assimilés par les populations concernées. Bon, je vous passe sur l'exemple tragique de l'alcool, parce qu'il y a des endroits où, en effet, les gens meurent au premier gramme d'alcool qu'ils absorbent. Mais en Europe, on a le cas de certaines farines, on a le cas du lait, on a le cas de certains produits de cette nature qui déclenchent encore des maladies dans des poches de population qui ne peuvent pas les assimiler. Par conséquent, il est vain de dire que la modification d'une culture, eh ben ma foi, c'est un acte innocent dont tout le monde sort indemne. Non, ce n'est pas vrai. Il y a toujours des conséquences et des maladies. Aujourd'hui, par exemple, la résistance et l'allergie au gluten est directement le résultat de sélections qui ont été faites sur les produits à farine. Alors, pour ce qui concerne l'actualité et le danger, le danger pour nous d'où il vient, c'est que l'Europe est totalement dépendante pour le soja. Alors, le soja, on en consomme beaucoup, 33 millions de tonnes chaque année, 96% de la consommation arrive de l'extérieur, et à 90% utilisé par la production animale. Je fais deux commentaires. Premièrement, pourquoi importons-nous du soja ? Parce que le soja est la seule production agricole qui n'a pas été inclue dans les mesures protectionnistes de la PAC initiale. Les Américains nous ont imposé ça. Si bien que le seul domaine où on n'est jamais arrivé à se mettre à flot et à être autosuffisant, c'est le soja. Ce qui prouve l'intérêt des protectionnismes de la nature des PAC, parce qu'elles permettent l'autosuffisance. C'est comme ça que l'Europe est devenue autosuffisante en moins de 30 ans sur le plan alimentaire, sauf sur le soja. Deuxième réflexion que l'on doit avoir, pourquoi le soja ? C'est tout de même la technique la plus absurde qu'on puisse imaginer de transformation des protéines, parce que on va transformer une protéine végétale que contient le soja pour produire quoi, je vous prie ? Une protéine animale. Et dans un rendement qui est décroissant, c'est-à-dire que ou bien on est à 1, pour 1 gramme de la protéine végétale, on produit 1 gramme de protéine animale, ou bien on est dans un rapport affreux du genre 50% de protéines végétales utilisées pour produire 100% de protéines animales. Tout ça est absurde et tient à nos modes de consommation. Il faut dire qu'il faudra sortir des protéines carnées. Sortir, ça prend du temps, ça ne veut pas dire qu'on ne fera plus jamais d'élevage, ni qu'on ne produira pas de viande. De grâce, gardons-nous des caricatures chaque fois que quelqu'un avance une idée qui est un peu avant-gardiste dans le moment où elle est émise et qui ensuite devient banale. Il faut que nos compatriotes se fassent à l'idée, premièrement, qu'on peut consommer moins de protéines, et deuxièmement, qu'elles doivent être davantage végétales qu'elles ne le sont aujourd'hui, et ce sera au profit d'un élevage de meilleure qualité. Je voulais dire tout cela parce que, précisément, dans l'accord Mercosur, et vous deviniez que j'allais en parler, eh bien, pour l'essentiel, il s'agit de ça. Du Brésil et de l'Argentine, deux pays qui sont des amis de la France, ce sujet n'est pas en cause, mais enfin, ils produisent des quantités absolument vertigineuses de soja qu'on importe. Et ce soja est massivement du soja traité aux pesticides, et du soja OGM, ça c'est une réalité. Si bien que, je me permets de faire, il faut quand même que vous ayez une idée de ce qui se passe. Dans ces deux pays, 95% du soja est OGM. Au Brésil, on utilise 200 fois plus de glyphosate sur les cultures de soja que la limite fixée par l'Europe. Je ne dis pas l'interdiction, que la limite. Le Brésil et l'Argentine sont dans le Mercosur. Les deux ont signé l'accord de libre-échange. Encore une fois, en Argentine, 400 millions de litres de glyphosate utilisés par an. Bon, le chiffre comme ça ne veut rien dire. Mais je vais ramener la comparaison à une personne. Ça fait 10 litres par Argentin. Donc on met 10 litres de glyphosate par Argentin dans ce pays. Tant et si bien qu'il y a un sénateur qui a fait faire un test sur lui-même. Nous, en Europe et en France, les tests des personnes contaminées, c'est 0,1 ou 4 nanogrammes qu'on retrouve de ce produit dans les personnes concernées. Le sénateur argentin Fernando Solanas, lui, il a refait plusieurs fois le test. Alors je rappelle, 0,1 ou 4 nanogrammes. Lui, il en est à 40 nanogrammes. Il est argentin comme les autres. Et comme tous les argentins, il mange de la viande. Et la viande, c'est des animaux qui ont mangé du soja. Et le soja est aux OGM. Et à la fin, eh bien, ça se retrouve dans le corps des êtres humains, affectant la longue chaîne de manière inconnue. La longue chaîne de la génération. Sans doute un jour finira-t-on par s'apercevoir qu'il y a un lien entre la décroissance démographique, la baisse de la qualité des spermatozoïdes et la consommation de ce type de produits. Tant et si bien qu'on peut dire que l'humanité est en train de se suicider à part l'utilisation de méthodes qui n'ont pas d'autre justification qu'une efficacité économique dont personne n'a vraiment pu faire la démonstration qu'au bout du compte, elle n'est pas plus coûteuse qu'elle ne rapporte à la société. Alors, j'ai envie de dire, et pour terminer, que ça fait déjà deux fois qu'on rate le coche. Quand on a signé l'accord avec les Canadiens, on leur a pas imposé le respect de cette convention. Quand on a signé le rapport avec l'accord de libre-échange avec le Japon, un tiers de l'économie mondiale au total, hein, ça représente un tiers, on leur a pas imposé le respect de cette convention, ni même la protection de ces pauvres baleines qui auraient pu à cette occasion être sauvées. Et là, nous passons un accord avec Mercosur et on ne leur impose pas. Alors, je vais vous dire, Madame la ministre et collègues, mais maintenant, nous avons une base légale. C'est pour ça que je vais lever deux fois la main pour ratifier ce protocole. Parce que nous pouvons, sur la base de ce protocole, dire que nous n'acceptons pas les produits importés par les Brésiliens et les Argentins, puisqu'ils sont alimentés au soja mis au glyphosate, etc., etc., etc. Autrement dit, la ratification de ce protocole nous permet de nous opposer juridiquement à l'application du Mercosur. Merci pour votre attention. Le président ne fait pas de zèle pour les horaires. Merci quand même. Qu'est-ce qu'Isaac, fils de Salomon, peut bien connaître de la France? La France, qu'est-ce que ça peut bien signifier pour lui? Dans le Laïus que vous m'avez récemment consacré, vous vous écriez notamment « Et où nous atteignons les cimes du comique, c'est quand notre DAC prend la défense de la France. La France, qu'est-ce que cela peut bien signifier pour lui ?» Eh bien, monsieur Henriot, je vais vous le dire, ce que cela signifie pour moi, la France. Laissez-moi vous rappeler, en passant, que mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents et d'autres, avant eux, sont originaires du pays d'Alsace, dont vous avez peut-être, par hasard, entendu parler, et en particulier de la charmante petite ville de Niederbronn, près de Haguenau, dans le Bas-Rhin. C'est un beau pays, l'Alsace, monsieur Henriot, où, depuis longtemps, on sait ce que cela signifie la France, et aussi ce que cela signifie l'Allemagne. Des campagnes napoléoniennes, en passant par celles de Crimée, d'Algérie, de 1870-71, de 14-18, jusqu'à ce jour, on a dans ma famille, moi y compris, monsieur Henriot, lourdement payé l'impôt de la souffrance, des larmes et du sang. Voilà, monsieur Henriot, ce que cela signifie pour moi, la France. Un dernier détail, puisque vous avez si complaisamment cité les prénoms de mon père et de ma mère, laissez-moi vous signaler que vous en avez oublié un, celui de mon frère. Je vais vous dire où vous pourrez le trouver. C'est d'aventure, vos pas vous conduisent du côté du cimetière Montparnasse, entrez par la porte de la rue Froidevaux. Tournez à gauche, dans l'allée, et à la sixième rangée, arrêtez-vous devant la dixième tombe. C'est là que reposent les restes de ce qui fut un beau, brave et joyeux garçon, fauché par les obus allemands le 8 octobre 1915 aux attaques de Champagne. C'était mon frère. Sur la modeste pierre, tous ses noms,